Pour ce qui est de l'objet qui nous réunit ici, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, cette déclaration qui a été faite, ça va se faire avec nous ou sans nous, parce que ça va de toute façon se faire. Donc il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Combien de personnes qui sont ceux qui ont deux maisons, deux champs, et qui veulent acheter un troisième? Ça n'a pas encore été répondu. Vous avez bien dormi, n'est-ce pas? Vous avez eu à vérifier. On a envie de commencer maintenant. Souvenez-vous de ces Ésaïe chapitre 61. Dans Ésaïe 61, on a vu la dernière fois, je vais faire un bref résumé de troisième session, d'accord? On a fait en trois sessions. Du troisième session, je vais prendre exactement là où on s'est arrêté pour avancer. Donc, souvenez-vous de Ésaïe 61. Nous avons comparé Ésaïe 61 avec Luc chapitre 4, les versets 16 et 17. Et dans ce Luc chapitre 4, versets 16 et 17, nous avons vu que le Seigneur, jusqu'à entrer dans la synagogue à Capernaum, on lui a donné le rouleau. Il a ouvert l'endroit d'Ésaïe sous lequel était écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Pourquoi on a pris cet exemple? Parce qu'en réalité, il y a point de révélation. Souvenez-vous des quatre piliers qu'on a dit la dernière fois. Il y a point de révélation chrétienne qui ne sera scripturaire. Ça ne peut pas être possible, d'accord? Alors, on a vu que Ésaïe avait écrit son livre 800 ans avant que le Messie ne vienne, d'accord? Il était écrit sur, concernant le Messie, que lorsqu'il viendra, il citera cela. Parce que l'Esprit du Seigneur, la crainte de l'Éternel, si vous lisez le chapitre 11 d'Ésaïe, à partir du verset 1 et 3, c'est écrit, il respirera la crainte de l'Éternel. Alors, il lisait ça chaque jour dans la synagogue. Quand il se rassemblait comme ça, parce que la synagogue, c'est le lieu de rassemblement des Juifs, il lisait la Torah. Comme Actes chapitre 15 dit qu'on lit ça chaque jour, chaque sabbat, on lit ça dans Moïse, d'accord? Donc, il lisait dans Ésaïe chapitre 61, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi, ça ne pouvait pas fonctionner. Tant qu'il lisait, c'est parce que c'était destiné pour une personne, pour une période bien déterminée, parce que c'était la période de grâce. D'accord? Parce qu'il citerait jusqu'à, dans ce Luc chapitre 4, verset 16 à 17, il s'est arrêté au niveau de, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas continué, et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ça, c'est la seconde fois qu'il va venir. Lorsqu'il va finir de retirer l'épouse, il va revenir pour cela, pour accomplir ce volet-là, le jugement, d'accord? Conformément à Ésaïe 63. Alors, pourquoi ils sont de rappeler cela? C'est très important qu'on comprenne. C'est que quelque chose peut être dans la parole, vous lisez, ça ne peut pas marcher. Mais quand le moment de cette parole arrive, Dieu se lève, il interprète son écriture. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 7, toujours, le verset 14, il était écrit que la Vierge enfantera. Les gens se sont posés des questions pendant des années, comment une Vierge peut enfanter? Le moment est arrivé, la Vierge a enfanté. De la même façon, vous allez, sous le verset, vous allez imaginer que même. Avec tellement de gens qui assistent, comment Dieu va juger? Le moment va arriver, il va juger. Comment on va se faire? Il y aura-t-il l'électricité? On va faire comment sur la terre? Si on brûle, Dieu va mettre les gens où? Le moment va arriver, il va le faire. L'enlèvement, depuis qu'il a dit qu'il va venir, il ne vient pas. Depuis quand le moment va arriver, il va le faire. Parce que ce sont des temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. D'accord? Donc, l'écriture étant, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Jésus avait donné, lorsqu'il était dans l'esprit, Ésaïe, il a dit, va et prophétise à ce peuple, ils me regarderont, ils écouteront, ne verront point. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Après, il a dit cette parole dans Ésaïe 61, que l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Ils ont lu ça 800 ans plus tard, imaginez seulement, 800 ans, ils lisent ça chaque jour, ça n'a pas d'effet. Mais le moment arrive, la personne destinée pour cette écriture vient et dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Après, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous avez entendue s'accomplit. À partir de là, c'était terminé. Le moment arrivé, Dieu a interprété son écriture. Alors donc, dans ce cas, nous sommes allés dans les actes des apôtres. Nous avons vu que, quand les disciples ont cru, nous avons lu du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 35. Nous avons lu que quand les disciples avaient cru, spontanément, les gens vendaient ce qu'ils possédaient, venaient déposer au pied des apôtres et faisaient la distribution selon ce qui se faisait. N'est-ce pas? Selon les besoins de chacun. Pourquoi donc au courant des temps on a perdu cela? C'est écrit comme ça et au fur et à mesure on va continuer aujourd'hui. La vie chrétienne est basée sur la charité, sur l'amour tel qu'on voit, n'est-ce pas? C'est la marque des véritables chrétiens. Alors, subitement, quand les chrétiens ont cru, le Dieu d'amour qui habitait dans leur cœur savait très bien que c'est pas normal que moi je suis dans l'abondance, mon frère soit dans le manque. Alors ils vendaient ce qu'ils possédaient, venaient déposer au pied des apôtres. Ils en allaient doucement, pas vrai? Venez déposer au pied des apôtres et on fait la discussion pour qu'il y ait égalité, pour qu'il n'y ait pas déséquilibre. C'est dans le social qu'il y a déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est trop riche, l'autre qui est extrêmement pauvre. Le riche ne s'inquiète pas par rapport à ce que le pauvre fait. Le pauvre souhaiterait avoir même de l'os de la table du riche. Est-ce que vous comprenez? Mais au milieu chrétien, on a vu clairement que c'est écrit dans la Bible qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. C'est ça, n'est-ce pas? Parmi nous, il n'y avait point d'indigent. Et on a dit pourquoi il n'y avait pas d'indigence. On dit ceux qui possédaient les biens vendaient, venaient déposer puis les apôtres, ils faisaient la distribution selon tous. Alors la question se pose, pourquoi dans l'Acte des apôtres c'est écrit comme ça? Les chrétiens ne vivent pas comme ça. Qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'à partir du moment ça va, à partir de ce moment-ci, ça va marcher? Vous me saisissez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque les premiers disciples sont décédés jusqu'en 2014, chacun conçoit sa vie comme il veut. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on se réunit comme ça, on dit que mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. On a des petits groupes, le groupe des, pour les vieux dans l'église, le groupe des jeunes. On fait les festivités religieuses. Donc les rituels ont été installés pour pouvoir parler à ces choses-là. Par conséquent, les chrétiens ont commencé à glisser dans l'interprétation mondaine de la chose. On commence à créer les orphelinats. On a commencé à créer les orphelinats. C'est normal que les mondains puissent construire cela. On a commencé à créer les hôpitaux. On a commencé à créer, je ne sais pas si c'est le centre pour les veuves maintenant. Pour les personnes en état de détresse. Donc il manque maintenant qu'on crée la CNPS chrétienne. C'est ça qui manque. Donc une institution que si tu es chrétien, tu viens là-bas, tu sais que tu prends la pension retraite. À Dieu ne plaise, n'est-ce pas bien aimé? Alors Dieu a sa façon d'agir. Nous avons convenu ici que Dieu a son peuple sur la terre. Et il a étendu sa constitution sur la terre, qu'est la Bible. C'est que tout chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, se réfère à la Bible. Et on a conclu que Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre. Il n'a pas laissé des missions aux chrétiens sur la terre de construire des écoles. Tel qu'on voit, vous allez voir écrit, telle institution veut avoir son université, son hôpital à lui. Écoutez très bien. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais nous fonctionnons d'après un modèle, d'après la Bible. Il y a même des partis politiques chrétiens maintenant. Il y a aussi même des partis, vous savez, les partis sportifs chrétiens. Il y a le club chrétien où on fait les courses chrétiennes pour aller compétir. Vous dites, frère, pourquoi vous faites ça? Vous dites, voici la justification qu'ils peuvent apporter. C'est que lors de la compétition, on va profiter, on va évangéliser. Voilà la justification. Donc, c'est eux qui cherchent les techniques d'évangélisation. Maintenant, il y a donc les parties, donc les musiques chrétiennes. Vous dites, c'est quoi la musique chrétienne? Vous dites que c'est pour évangéliser. Vous allez beau fouiller votre Bible, vous ne voyez aucune pensée de Dieu derrière la musique pour évangéliser. Il n'y en a pas. Aucune, il n'y en a pas. Même si tu dis d'enchanter en agençant que donne ta vie à Jésus, toi qui marches maintenant, il n'y a aucune pensée de Dieu derrière la musique pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce que Dieu engendre les êtres vivants par la parole. Il faut que la parole soit prêchée par le Saint-Esprit. C'est le plan. Dieu sauve par la parole, d'accord? On a lu dans 1 Thessaloniciens 5 qu'il nous savons que vous avez été élus vous êtes les élus de Dieu. Il vous a appelé par la prédication. On appelle par la prédication. Il établit l'immortalité par la prédication. Et donc, Satan a intérêt à disloquer afin qu'on commence à fonctionner selon les principes humains. Parce que on fonctionne comme selon les principes humains, ça ne marche pas parce que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Alors on a des principes qu'on a installés pour nous-mêmes qui nous satisfassent, mais qui ne satisfait pas Dieu. Il faut qu'on revienne à l'ordre. Alors Dieu donc a donc dit, l'heure est arrivée, il faut que les chrétiens vivent la charité selon la Bible. Ça peut énerver, faire n'importe comment, mais vous allez faire n'importe quoi. Le fait que vous avez écouté, vous n'avez pas le choix. Donc si tu as deux motos, sache que tu dois Dieu une moto. Donc c'est ici que vous parlez de dîmes là maintenant. C'est là qu'on va parler vrai. Si tu as deux motos, il y a un frère quelque part dont Dieu a donné sa moto. Tu as confisqué. Si tu as deux maisons, comment quelqu'un, je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un peut avoir deux maisons? Il a une maison quelque part. Vous savez comment on fait? Tu construis une maison ici, une autre maison là-bas, tu loues, tu donnes ça en location. Un an, on verse l'argent pour que tu achètes encore d'autres terrains. Tu préserves, tu ouvres un compte pour garder l'argent pour tes enfants. Pourquoi? Parce que si le lendemain est mauvais, ton enfant a l'argent en banque. Et avec ces pensées-là, c'est normal dans le monde entier. C'est normal dans le monde. Mais en Christ, ce n'est pas ça. C'est pour ça que la Bible parle donc du renouvellement de notre intelligence. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est mauvais pour Dieu. Parce que ses principes à lui, l'un de ses principes dit que celui qui épargne en excès devient plus pauvre. Mais celui qui donne libéralement devient plus riche. Donc tu dois plutôt sortir. Donc chez Dieu, pour s'enrichir, il faut plutôt donner. D'accord, bien-aimé? Ok. Alors donc, la dernière fois, donc, on s'est arrêté à la troisième session, lorsque après avoir vu tout ce que nous avons vu que les apôtres avaient les maisons, et on a vu que lorsque les chrétiens croyaient, automatiquement, leurs maisons étaient ouvertes au Seigneur. On a vu ça, n'est-ce pas? On a établi ça dans les Écritures. Que ce n'était pas seulement les maisons des croyants, mais les apôtres. On a vu que l'apôtre Jean avait des maisons. L'apôtre Philippe avait des maisons. Et tous avaient des rassemblements chez eux. Actes des Apôtres, chapitre 4, 15, la conférence a eu lieu chez le frère Jacques, chez le petit frère Jésus. Il avait une maison. D'accord? Ok. Maintenant, nous sommes avancés donc, en concluant par rapport au troisième, à la troisième session. Nous avons conclu que le fait qu'on a dit qu'on ne paie pas les dîmes, les gens ont cru que c'était le soulagement. Le vrai problème commence. Donc, ici maintenant, au sortir d'ici, les chrétiens n'ont que deux choix. Soit ils rentrent payer les dîmes tranquillement. Et auquel cas, il va falloir qu'ils donnent les ablutions et n'importe quoi. Parce que, à l'instant, vous avez compris l'enseignement sur les dîmes, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus revenir sur ça. D'accord? Donc, même si tu payes les dîmes, ce n'est pas seulement une seule dîme, c'est les dîmes. Il faut que chaque 3 ans, quand vous dites que si je travaille, j'ai 100 000 francs, 10 000 francs, c'est pour Dieu. Sache que après 3 ans, il y a une dîme que tu vas sortir, tu vas mettre devant ta porte. Tu ne contrôles pas qui va manger. Donc, tu mets ça devant la porte. L'autre dit maintenant, après ces 3 ans-là, vous montez à Jérusalem. Et chacun, beaucoup d'entre nous n'ont même pas le passeport. Donc vous montez à Jérusalem, vous arrivez à Jérusalem, vous asseyez devant le temple. C'est les musulmans qui sont là maintenant. Donc vous commencez à avoir des problèmes. Les musulmans vont te lancer le caillou là-bas. Vous vous asseyez devant le Dieu Allah. Vous mangez là-bas, vous remerciez Allah de vous avoir donné. Vous savez très bien que c'est pas Allah qui est votre Dieu. Donc voilà autant de problèmes. Donc en fait, on ne peut pas faire une fuite en avant. Si on est chrétien, dis à ton voisin, si on est chrétien, on est chrétien entièrement. Amen. Donc on va lire beaucoup de passages aujourd'hui. On va lire beaucoup de passages. Donc on a conclu donc en disant que si donc les chrétiens ne paient pas les dîmes, ce n'est pas presque nulle part. N'ayez pas peur de ceux qui disent, comme les gens disent, que j'ai vu en enfer un pasteur qui ne payait pas les dîmes. C'est des histoires. J'ai dit, ça veut dire que le pasteur Paul se trouve là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est que le pasteur Paul, il y a une prison là-bas pour les premiers disciples. Parce qu'il ne payait pas. Parce qu'il y a 200 que Cyprien de Carthage est venu avec les histoires comme ça. Là. Alors, ça veut dire que tous les chrétiens qui sont, quand Jésus est mort, il est allé là, tous ceux qui sont là-bas, qui ne payaient pas les dîmes là-bas, se trouvent en enfer. Oh, Dieu n'est pas comme ça, mes chers amis, c'est pas ça. On vous dirait que à cause de ça, la malédiction est sur vous. Jamais, la Bible n'a jamais dit que la malédiction est sur vous. La Bible a dit que la malédiction est sur le pays. Le pays est maudit, c'est le pays. C'est la nation d'Israël, parce que Dieu traite avec tout le pays d'Israël. Ici, un mondain n'est pas obligé de payer sa dîme, pas vrai? Parce que Dieu traite différemment. Je crois que cet aspect, il faut que j'explique. Vous savez, vous avez l'église, c'est ça qui fait que les pasteurs ne peuvent pas saisir cela. Le fonctionnement de Dieu avec l'église est différent avec l'Israël. D'accord? Écoutez bien, c'est, je crois que ce point, si on explique même ça, vous allez comprendre pourquoi on ne doit même pas payer la dîme. Israël, quand Dieu sauve Israël, il sauve Israël en tant que nation, donc tout le peuple juif. D'accord? Alors qu'avec nous, les nations, les différents pays, là, ils prient un à un. Ils viennent dans ta famille, ils prient une personne, ils prient une personne là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il parle à Israël, il donne à Israël le commandement, toute la nation d'Israël. À l'instant où tu es Israël, tu es obligé d'obéir à ce commandement. Alors, tu vois, c'est quand tu lis ta Bible à la maison, si ton père voit ça, il prend ça, il brûle, il s'en fout de ton Dieu, là. Pas vrai? En Israël, il ne peut pas faire cela. Alors, donc, dans Malachie 3, donc, il dit que la nation tout entière est maudite à cause de cela. Parce que tout le monde, une seule personne qui brise l'alliance en Israël et tout le peuple est souillé. Souvenez-vous de Josué chapitre 7, le péché d'Akan. Une personne allait prendre quelque chose, venait garder dans le camp tout Israël. 36 personnes sont mortes à cause de cela. Ouais, comment Dieu traite avec Israël, n'est-ce pas? Donc une seule personne qui a péché et que ça contamine tout Israël. Tout Israël. Un seul péché d'adultère dans le pays, on reprend encore Jérémie 3, verset 1 dit, tout Israël est souillé à cause de cela. Mais combien d'adultères ici? Depuis le chef de l'État jusqu'au premier ministre à la maison, tous sont des adultères. Mais le pays n'est pas touché parce que Dieu regarde ses serviteurs qui sont dans la vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu fait. Alors donc, si on ne paie pas la dîme, on a conclu avec 1 Corinthiens 16, c'est là-bas où on s'était arrêté. On a donc dit, dans ce 1 Corinthiens chapitre 16, la dernière fois, la troisième session, la troisième partie des... C'est ce que nous sommes en train de voir. On a conclu que si donc les chrétiens ne paient pas la dîme, qu'est-ce qu'on doit faire? On montre clairement que les chrétiens se partageaient les fonds les uns les autres. On a vu ça, n'est-ce pas? Alors, on a vu que les offrandes ne se passent pas dans l'église. Comme ça se voit aujourd'hui, on finit un culte, on met un panier, les gens mettent quelque chose dedans. Ça ne se passe pas dans l'église, c'est étranger au Nouveau Testament. D'accord? Il y a maintenant certains protestants, ils ont le caisse comme ça, ça a un long bras. Même si le banc est long, on ne peut pas comment. On passe ça comme ça. Là. Tu jettes des tchan-tchan dedans. Maintenant, comme les tchan-tchan ont démodé, certaines personnes trouvent les techniques, c'est l'enveloppe. Dîme prophétique, on a vu ça ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc vu que si ce n'est pas comme ça que ça se passe, comment donc la pratique des offrandes se passe dans la Bible? Alors, donc, j'ai dit que la dîme n'est pas scripture, n'est pas pour les chrétiens. Alors, voici donc comment les offrandes se passaient. J'ai dit, les offrandes se passaient sous deux angles. sur deux angles. C'est là où on s'est arrêté. On a lu 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. Donc il y avait deux types. Il y a deux types. Il n'y en a que deux. Il n'y a pas trois. Il n'y en a que deux. Il n'y a pas trois. Donc dans ce 1 Corinthiens chapitre 16, ce qui donne le premier style d'offrande que les chrétiens devaient donner. On a beaucoup de versets à lire. On a vraiment beaucoup de versets à lire. Le premier style d'offrande, c'est, et on a vu cela, on a dit que c'était en faveur des saints. Dans ce 1 Corinthiens 16, verset 1, il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, lui-même, le Saint-Esprit donne lui-même la définition à ce que la collecte, c'est à quoi la collecte sert, n'est-ce pas? Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur, la collecte est faite en faveur. Donc lorsque les frères sont dans les difficultés, on a la collecte. Et on a lui dans ce cas, Actes des Apôtres au chapitre 11, des versets 26 à 27, où il y avait une famine sur la terre, n'est-ce pas, sur Claude, quand le prophète Agabus a prophétisé. On a lu cela. On a dit que les frères ont résolu de donner chacun selon sa prospérité, ou elle, n'est-ce pas, une offrande volontaire pour les frères qui sont dans la Judée. Donc manifestement, la famine, ceux qui étaient là à qui, là où la prophétie est sortie, n'avaient pas trop de problèmes de famine. Ils ont vu que les frères qui étaient dans la Judée étaient dans le besoin. Alors, instantanément, et glanés par l'amour, contrôlés par l'amour, ils ont commencé à ressentir ce que les autres ressentent. Ils savent que ceux de l'autre côté vont en souffrir durant ce moment-ci. Qu'est-ce qui arrive? Ils se sont imposés eux-mêmes une offrande volontaire pour les frères qui sont dans la Judée. Remarquez très bien que, avant que le prophète Agabus ne se lève pour prophétiser, il n'y avait pas d'offrande dans l'assemblée. Si vous saisissez, ça veut dire que les offrandes sont suscitées lorsque le besoin se fait sentir. D'accord? C'est comme ça. Comme par exemple, la dernière fois, on a suivi ici, je suis le frère Ferrand parlait de le frère Michel qui est souffrant. Voilà, n'est-ce pas? Subitement, on suscite les fonds. Et Dieu merci pour tous ceux qui ont voulu donner et ont donné d'une façon ou d'une autre. La contribution a donné, je crois, 60 000 francs. Donc, c'est allé au-delà de ce qu'on demandait. Et donc, que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont fait. Même ceux qui ont voulu faire avec l'intention, ils n'ont pas pu. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Donc, cette promptitude à réagir face aux difficultés, c'est ça que Dieu veut chez les chrétiens. Normalement, si on est être humain, regardez bien là où le bas blesse là maintenant. C'est quand vous commencez à comprendre, à entrer dans le plan de Dieu doucement, doucement, et à connaître la personne de Dieu dans le Nouveau Testament, vous allez commencer à comprendre pourquoi certaines choses doivent être mises tout simplement de côté. Lorsque vous progressez avec Dieu et vous comprenez ce que Dieu veut sur son cœur, Dieu veut que chaque être humain qui croit en Jésus-Christ dépende totalement, ait confiance en lui pour tous les besoins. C'est ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire que le Seigneur veut que si tu as besoin de l'argent de transport et que tu n'en as pas, que tu pries, tu lui demandes, il suscite, s'il le veut, une seule venue te donner sans que tu n'aies demandé que là où c'est fort, on fait comment? C'est fort. Dieu ne veut pas ça. Est-ce que c'est ici? Et c'est ici, maintenant, pourquoi on arrive à ce niveau s'il faut la communion intime avec lui? C'est-à-dire que quand vous avez le besoin, regardez ce que Philippiens 4 dit. Regardez bien ce Philippiens 4, verset 6 et 7. Il dit quoi? Il dit que Philippiens 4, qui peut citer? Je n'ai pas demandé que vous lisez. Il dit quoi? Philippiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Citez ce que la parole dit. Ça commence par quoi? Ne vous inquiétez. Ouais, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc le véritable problème se situe au niveau de cette phrase-là. C'est l'inquiétude, les soucis. On va mettre dehors. Le balai a donné 3 jours. Il manque 2 jours. Comment il veut faire? La panique commence. Si ma soeur, prions, demandons à Dieu. Alors maintenant, vous voyez, le chrétien commence à faire comme le païen. Tu vas rester là à prier. Dieu va faire tomber. Il peut faire tomber l'argent du ciel. Vous savez ça? Il peut faire tomber. Et les billets qui sont, c'est les vrais billets authentiques. Pas qu'il a volé dans la banque comme Satan fait ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on n'a pas confiance à ce Dieu-là. Donc c'est le manque de confiance qui fait que dans l'église aujourd'hui, on fait une caisse de prévoyance. C'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance qui fait que dans l'église aujourd'hui, on a une caisse de prévoyance. Au cas où il y a un problème, qu'on prend là-bas pour résoudre. Dieu, lui, veut que la confiance soit la prévoyance. Que la confiance soit la caisse de prévoyance chrétienne. Dieu, notre Père, veut que la confiance, celui qui s'appuie sur lui, n'est point confondu. Celui qui s'appuie sur lui, qui prend son appui sur Dieu, il dit qu'il n'est point confondu. Au temps de malheur, au jour de la détresse, il est délivré. Donc Dieu s'attend à ce qu'au temps de la détresse, on compte sur lui. D'accord? Souvenez-vous. Pas que quand la défense, la salle se tourne vers Dieu, c'est-à-dire qu'on se prépare, on a une relation avec le Très-Haut, c'est-à-dire que si ça arrive, que Dieu puisse résoudre le problème. Si c'est tel, si telle est sa volonté. Est-ce que vous saisissez? Vous dites, je peux prendre des tas d'exemples dans la Bible, mais je vais vous en prendre un seulement. Voici l'apôtre Paul qui est appelé par Dieu pour le servir. D'après l'ordre de Dieu, du Dieu vivant, il est censé aller à Rome. Il n'a pas l'argent de transport pour le bateau pour aller à Rome. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait que Satan l'attrape. C'est merveilleux, vous dit. Que Satan quoi? Satan l'attrape. Il le garde pour que même si on veut noyer, on l'arrête pour qu'il arrive à Rome. C'est Satan qui le protège. Il arrive à Rome. Il ne fait pas le transport parce qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Satan qui fait son transport pour l'amener dans son territoire pour qu'il puisse délivrer les gens de la prison des ténèbres. Maintenant, si c'est nous, qu'est-ce que nous faisons? Je vais voyager pour aller annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut pour le voyage? On commence à faire des provisions. Regardez la pensée d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voyait, on dépouille les gens pour qu'on parle d'évangélisation. Voilà pour Jésus et Jésus n'a pas ordonné. Jésus n'a pas ordonné. Faisons le tricot, on écrit des messages chrétiens sur ça. Des messages chrétiens. Les messages chrétiens, c'est plein dans la Bible. On distribue même les gens. Vous venez à l'hôtel, on a mis ça sur le chevet du lit avec le préservatif à côté. La personne pousse ça de côté, prend le préservatif. Le message chrétien là-bas est entier. Alors, c'est parce qu'on n'a pas confiance au Dieu de la Bible. On n'a pas confiance à sa providence instantanée. C'est ça qui a fait arrêter l'enseignement que l'homme a commencé à compter sur l'homme. J'ai confiance maintenant, Seigneur, je prie maintenant parce qu'il y a l'argent en banque. Alors, c'est ça que vous voyez, les frères disent que non, je vais travailler, construire ma maison. J'ai mes maris, j'ai mon enfant, je ne dérange personne. J'ai mon petit travail, je vais à l'église. Personne, il ne dérange personne. Là, tu as été dérangé, toi, Satan va te déranger. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que Dieu a dit. Le meilleur moment de servir Dieu dans la façon de Dieu, c'est quand on est dans les difficultés. Le meilleur moment. À chaque fois, souvenez-vous, je vous ai dit cela, chaque fois que vous aurez une bénédiction ou bien une chose qui va s'ajouter dans votre vie, les paramètres des problèmes par rapport à votre vie spirituelle vont augmenter. Chaque fois, s'il y a un enfant, les paramètres vont augmenter. Il y a un petit enfant, l'enfant augmente. La femme entre, l'enfant augmente, les paramètres augmentent. Le travail entre. Vous allez commencer à prier maintenant que Seigneur, donne à mon patron de me donner un temps qui ne va pas te déranger. C'est lui qui t'a donné le travail d'abord. Quand il n'y avait pas le travail, tu priais. Maintenant, le travail vient. On dit que tu vas sortir à 6 heures, rentrer à 22 heures. Tu dis, Seigneur, c'est trop. Il faut que je m'occupe des enfants, que je me lève. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour Dieu qu'on met de côté. Qu'on se lève à 6 heures. L'enfant est là, prête. Prépare les enfants là-bas. Tu es sur le miroir. On se prépare rapidement. Seigneur, je te reconnais mes journées au nom de Jésus. Amen. Donc, pour Dieu, on peut vite faire parce que Dieu va qu'on. Non, Dieu est devenu notre serviteur. Dieu est devenu notre serviteur. Quand cet enfant, quand ça ne va mal, au travail de l'émise, là, tu t'assois, tu te dis, il faut qu'il prenne 3 jours de jeûne devant Dieu. Les 3 jours de jeûne, ce n'est pas pour aimer Dieu. C'est pour que le problème se résolve. Donc Dieu est devenu comme les amulettes. Vous savez, les amulettes. Quand les gens partent chez le marabout, ils font quelque chose pour se protéger, ils gâtent sur eux. Donc s'il y a un problème, ça se résout. Par conséquent, c'est rare. Et extrêmement rare de voir un chrétien qui a des problèmes et qui se contente d'attendre la solution de Dieu de la bonne façon. Comme c'est Philippiens de le dire. Il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, dans tous vos besoins, faites-les connaître à Dieu par des prières. Par des prières. Vous savez, frère, c'est ça qui a conduit à toutes les dérives qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Lorsque les chrétiens, plus le temps passer, plus les gens développaient des stratégies qui. Qu'il pensait être normal. En développant cette stratégie, il calquait du modèle du monde. Pourtant, l'évangile qu'il prêche dit clairement que votre édification, c'est suivant le modèle de qui? Des apôtres, des prophètes. C'est pas ce qu'il écrit. Vous avez été édifiés, la fondation chrétienne. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 11, il dit, j'ai posé la fondation comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Il dit que chacun prenne garde de la manière qu'il bâtit. Parce qu'aucune autre fondation ne peut plus être pour. Mais frère, je ne sais pas si il lit la Bible, là, j'entends ça seul. Ça veut dire que comme ils ont fonctionné, Dieu s'attend à ce que ça soit comme ça qu'on fonctionne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors comment ça peut être écrit dans la Bible aujourd'hui? Quelqu'un dit qu'on ne peut pas les accomplir aujourd'hui, que c'était pour leur époque. Il y a la Bible des Douala ici. Il y a la Bible pour les Africains. N'est-ce pas la parole là? On cite dans cette même parole que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dis à ton voisin, c'est que l'instruction qu'il a donnée au départ, aux premiers apôtres, aux apôtres après eux, s'est aussi adressé à nous. Vous savez, dans ces Hébreux 13, 8, on cite seulement ça lorsqu'il faut la guérison. Pour dire que non, Jésus, comme il a guéri en Galilée, il guérit aujourd'hui. Mais quand il a donné les instructions en Galilée, c'était resté là-bas. Dans les instructions, quand il parlait sur la terre. Vous savez, on a lu une de ces instructions ici, dans ces livres de Luc au chapitre 12, verset 33 et 34. Il a dit quoi? Vendez ce que vous possédez et donnez-le à nos mondes. On a vu ça, non? L'instruction, elle a dit qu'elle était sur la terre et marchait. Ça n'a pas changé. Vous dites, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Lui et sa parole sont un. Donc, ce qu'il a dit demeure. Et on a vu que ses disciples exprimaient exactement ce qu'il avait dit. Nulle part, vous n'allez pas voir que les apôtres ont dit qu'on allait vendre. Les enseignements qu'il leur avait donnés sur la terre, le Saint-Esprit a commencé à les rendre réels pour eux. Parce qu'il avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Sur la terre, quand il a dit à un riche là que, quand il a dit que va vendre tout ce qu'il possède, le gars là, la réponse, il est parti doucement, il dit que je m'en vais vendre, attends-moi bien, tu vas me voir là-bas. Il n'est plus jamais venu. Mais quand les chrétiens ont cru, observez la ville, dans votre Bible, vous allez voir Christus, vous allez voir Eras, vous allez voir les trésoriers de la ville. Quand ils croyaient, ils se déposaient de tout. Aujourd'hui, c'est un évangile contraire qui sort, mes chers amis. C'est plutôt les chrétiens, les pasteurs sont en train d'encourager plus de gens à amasser. Quand tu auras une grosse maison, vous aurez le gros Mercedes. Quelqu'un dit, je n'arrache pas la foi. Oh, il faut plutôt se débarrasser par la foi. Il dit, aujourd'hui, on prêche que tu auras une grosse voiture. Quelqu'un dit, amen, j'arrache pas la foi. Et le chrétien, lui, de la Bible, s'est débarrassé plutôt du matériel. Le chrétien 20e siècle, 21e siècle, veut plutôt prendre ces choses qu'on avait débarrassées. Qu'une grosse maison, nous allons avoir une grosse maison. Donc Dieu a changé en tout temps. C'est seulement au 19e, 20e, 20e et 21e siècle qu'on a vu que Dieu, qu'on sait, c'est un grand Dieu. Les apôtres, eux, ne voyaient pas cela. Et curieusement, vous voyez dans la Bible les injonctions qu'on dit, on parle des chrétiens comme étant des pèlerins, comme étant des pèlerins, comme étant des étrangers sur la terre, à vous abstenir aux convoitises qui font la guerre à l'âme. Les injonctions sont données. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayez le regard fixé sur Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et on n'a pas souvenir, on a aussi dit clairement. Et non à ceux qui sont sur la terre. Les gens disent que jamais. Que ça, c'est pour les anges. Que mes frères ne soient pas trop spirituels. On est quand même charnel. Donc, les premiers apôtres, eux, étaient spirituels. Ils étaient en esprit. Quand l'apôtre Paul disait qu'on souffre jusqu'aujourd'hui les manques, dans la nudité, constamment, dans les jeûnes, dans des veilles, nous sommes regardés comme des balayus, comme des balayus du monde. Quand il disait cela, ce sont des êtres humains ou ce sont des êtres spéciaux. D'où vient-il donc aujourd'hui, donc, il y a l'évangile, donc, jusqu'à ce qu'on a donné un nom à cela, l'évangile des prospérités. On n'a même pas honte, alors qu'on dit clairement qu'il n'y a pas deux évangiles. On dit que maintenant il y a l'évangile des prospérités pour montrer clairement que ça a déclassé l'évangile pur. Le simple fait qu'on lui donne un nom montre clairement qu'il y a un autre évangile, pas vrai? Alors, il faut que le chrétien soit prospère. Ça a poussé les gens dans la chair. Conséquence, le chrétien est plus sensible lorsqu'on parle des mots tels que bénédiction, réussite, argent, mariage. Voilà, le premier. Quand il dit tête, il comprend que tu as dit que je suis la tête de l'enfer, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Quand il dit que pas, il y a prospère, il s'arrête là-bas. Il n'y a pas de contact entre l'esprit de Dieu et notre esprit. Et alors, donc maintenant, là, fatalement, je vais vous dire ceci, je vais nous dire ceci. Vous n'avez que deux choix. Soit se débarrasser du matériel et que l'apaisanteur vous monte vers les cieux. Ou bien vous attachez au matériel et que l'apaisanteur des cieux vous lâche. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 34, il est là où il y a votre trésor. Là sera votre cœur. Quand il dit ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, ça veut dire que notre cœur soit ancré dans le Seigneur. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. On s'affectionne aux choses d'en haut par la méditation de notre cœur. On pense aux choses d'en haut. On désire des choses célestes. C'est n'est-ce pas? Alors, ce qu'on désire les choses célestes, ce n'est pas possible, frère, que vous désirez les choses célestes de la bonne manière de la Bible en disant que c'est pas compatible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il dit bien, ce n'est pas possible que vous méditez sur les choses célestes tout en méditant sur les choses terrestres. Ce n'est pas possible. Vous devez choisir un camp. Si vous dites que vous êtes assis avec Christ dans les... En fait, vous ne pouvez pas dire ça avec le matériel. Ce n'est pas possible. Ceux qui disent ça, si vous lisez seulement Philippiens chapitre 3, observez. Il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Écoutez, quelqu'un qui est en train de regarder aux choses d'en haut. Vous saisissez? Ok. Donc maintenant, on n'a que deux choses à faire. soit on va se débarrasser des matériels comme les premiers disciples se sont débarrassés. Si nous ne voulons pas vous débarrasser, ne lisez pas les Bibles qu'ils ont écrites. Vous saisissez, n'est-ce pas? Pointe ton voisin, dit, si tu ne veux pas te débarrasser des matériels. Ceux qui ont écrit la Bible là, s'en sont débarrassés. Ne lis pas leur Bible. Écrivez votre Bible à vous. La Bible des prospérités. Voilà. Donc, dans ce 1 Corinthiens chapitre 16, nous avons vu que il a dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. La collecte est faite en faveur des saints. Première chose. On a vu cela dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. On a vu cela dans Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 26 et 27, où le prophète Agabus a prophétisé qu'il y aurait des famines sur la terre, n'est-ce pas? Et on a vu que les gens ont commencé à... Prenons cela, merci Père. Prenons Romains chapitre 15, partie du verset 25. Romains. Les enfants, là, asseyez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Romains. Vous y êtes? Ok, observez. Nous sommes en train de parler de. Nous sommes en train de vouloir parler de le pourquoi, comment. Parce que l'une des choses. Regardez mes chers amis, c'est parce qu'il n'y a pas un film où on a filmé comment les premiers chrétiens se passaient. S'il y avait un film comme ça, un tel film, on mettrait et on verrait comment ça devait faire. Mais le Saint-Esprit a fait enseigner que ce qui est inaltérable soit là. D'être en lisant cela, vous pouvez vivre exactement comment ils vivaient. D'accord? Donc. Lorsque l'assemblée s'est passée comme ça, tel que nous sommes là-bas, je suis en église ici. Comme vous voyez dans les cultes maintenant, il y a un panier quelque part. D'autres frères disent que non, ils déposent un panier quelque part dans un coin. C'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Les offrandes sont suscitées au milieu des saints uniquement s'il y a un problème. Je vous ai dit qu'il y en avait deux buts. Le premier but, c'est lorsque les chrétiens sont dans le besoin. Il n'y a pas de but pour construire ce qu'on appelle l'église, qu'on suscite les fonds pour construire l'église. Il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans la pensée de la Bible. Vous savez, n'est-ce pas? On a déjà vu cela. Quand quelqu'un est dans le besoin, quand les frères sont dans le besoin, on suscite les fonds pour cela. Et lorsque ça s'est terminé, c'est terminé. D'accord? Maintenant, donc, on va voir le second but. Donc, lisons d'abord Romains au chapitre 15. Lisons à partir du verset 24. Verset 24 jusqu'à 33, là. Alors, regardez. Vous êtes avec moi? J'ai dit, je suis dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, à partir du verset 24. L'apôtre Paul dit, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que, écoutez très bien, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, écoutez très bien ce qu'il en a dit. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. On va lire ça tout à l'heure. Regardez bien. Il monte à Jérusalem parce que, si vous le saisissez, la dernière fois, on a lu, je vous ai donné Galates chapitre 2, verset 7 à 9, où lorsque les apôtres ont constaté que lui, il avait reçu l'apostolat pour le ministère chez les païens, on lui a seulement dit que, aie soin de tes souvenirs, n'oublie pas les pauvres, d'accord? Il a dit que c'est que j'ai pris soin jusqu'à maintenant de le faire. Donc, il savait très bien qu'il y a un ministère auprès des orphelins, des veuves et des pauvres. Alors, dans ce voyage, l'apôtre Paul a envoyé premièrement Timothée. Timothée à Corinthe, d'accord? Il était à Corinthe, il a écrit ça étant à Éphèse. Il a envoyé à Corinthe parce qu'il était des passages pour aller à Jérusalem, il avait fait un vœu. Vous pouvez regarder ça dans Actes des Apôtres, que le parcours, d'accord? Alors il envoie donc, c'est ce que vous lisez dans 1 Corinthiens 16, là où il a dit que chacun de vous, le premier, je mettais chez vous à part. Et quand je serai venu, je prendrai pour monter à Jérusalem. C'est ça qu'il a parlé ici. C'est n'est-ce pas? Donc il envoie Timothée devant pour aller coordonner cela, pour que les gens collectent, chacun donne ce qu'il peut. Pour les chrétiens qui sont à Jérusalem. Quand l'apôtre Paul va venir maintenant, il va prendre donc, vous avez collecté quoi? Ils vont dire, si c'est les chaussures que les gens ont donné, le sac que les gens ont donné, de l'argent, ils mettent tout ça, ça fait combien? Ils choisissent, s'ils le veulent, quelqu'un pour accompagner Paul à Jérusalem. Quand Paul arrive à Jérusalem, l'église à Jérusalem, on dit que non, dans telle assemblée qui s'est réunie chez Ferrand, il y a les frères qui ont besoin de telle chose. On prend cela, on envoie là-bas. Ceux qui sont chez Pierre, il y a des frères, tel frère qui a tel problème, on envoie là-bas. Frère, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris? C'est n'est-ce pas? Ok, lisons là, lisons. Regardez bien. Verset 25 encore. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car, écoutez bien, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Voilà, prenez au franc, frère. Vous allez lire la Bible, la façon que les pasteurs font, vous ne verrez pas ça. Il dit ici que c'est la Macédoine et l'Achaïe. La dernière fois, je vous ai parlé, quand il prend, quand on parle de Macédoine, et à Kaïvou, vous ne saisissez pas, il prend sur notre pays pour vous saisir. Quand on parle de Macédoine, c'est comme le centre, la province du centre, d'accord? La Caïe, la province du littoral. Vous êtes avec moi? Amen. La province du centre. Il dit les églises qui sont dans la province du centre. Le centre a plusieurs villes à l'intérieur. Le littoral a par exemple aidé à Loum, Consamba et autres, d'accord? Toutes les assemblées locales dans cette localité-là font des contributions. On réunit ça en un lieu, l'apôtre Paul part avec. Il a dit ces deux provinces qui se sont imposées des contributions. Ils se sont imposés. Regardez bien, ils se sont imposés. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, bien-aimé? On ne leur a pas imposé. Ils se sont imposés. Nous sommes à l'assemblée. Frère Michel est malade. On dit telle chose, il faut telle chose. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? Alors quelqu'un dit que moi, je me propose de lui acheter des remèdes. Est-ce que c'est selon sa prospérité? L'autre dit que je me charge, par exemple, de lui acheter une babouche. L'autre dit que comme il est à l'hôpital, il me charge d'aller lui rendre visite chaque jour et prier pour lui avec lui là-bas. Vous voyez là, n'est-ce pas? On dit ils se sont imposés. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible, on va dire que chacun de vous, selon sa prospérité, selon ce qu'il pourra. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en milieu chrétien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dieu. De 10 000 francs, que les offrandes commencent à partir de 10 000, ce n'est pas 10 000, vous quittez. On ne veut pas des pièces, ne veut pas insulter Dieu. Dieu est un grand Dieu. Donc, comme Dieu est un grand Dieu, vous pensez que c'est 10 000 qui suffit pour Dieu. Si Dieu est grand, 1 million suffit pour lui. S'il est grand, donc 2 milliards suffit pour lui. Donc, même si tu dis que Dieu est un grand Dieu, tu donnes même 50 milliards, jusque-là, tu l'as limité. Parce que 50 milliards, fausse victoire peut donner ça à quelqu'un. Pas vrai? Donc, ça veut dire que fausse victoire est à la dimension de Dieu. Pas vrai, mes chers amis? Alors, laissons que Dieu soit Dieu à la manière de Dieu et que l'homme soit l'homme à la manière de l'homme. D'accord, mes frères? Que Dieu soit Dieu. Alors, si Dieu est Dieu, faisons ce qu'il nous demande sans avoir ajouté à ce... sans penser pour Dieu, sans dire mieux que Dieu, sans savoir mieux que Dieu. Parce qu'en fait, si Dieu a consigné dans ses saintes paroles et que nous voulons faire autre chose, ça suppose que nous sommes plus sages que Dieu. C'est pas ça, mes frères? Alors, la Bible déclare ici, regardez bien, verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. » C'est la Macédoine, les frères de la Macédoine qui sont imposés cela. Une contribution en faveur, pas pour la construction de la grande église à Jérusalem, pas pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Il dit « En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Donc, à Jérusalem, il y avait la pauvreté. La Macédoine dit que non, il faut qu'on vienne. Remarquez très bien. Frère, aujourd'hui, on peut avoir Internet, on peut avoir le téléphone qu'on dit, je connais quelqu'un ailleurs, on est qui est comme ça. Observez bien votre carte de cette époque-là et observez comment c'était difficile de savoir. Les personnes qui sont dans la Caïe et dans la Macédoine, il se pourrait qu'ils meurent même sur la terre sans connaître même combien de personnes il y a là-bas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on a la télévision, tu peux voir quelqu'un à Yaoundé, appeler quelqu'un à Yaoundé, ainsi de suite, voyager facilement. C'était pas à cette époque-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que malgré qu'ils ne s'étaient point jamais vus, ces enfants sont de les sortir. Ok. Malgré que les chrétiens de la Caïe et de la Macédoine ne s'étaient jamais rencontrés avec les frères de Jérusalem, ils s'en foutent de savoir quelle couleur, quelle classe, qui est leur père. C'est le seul nom de Jésus-Christ qui les lit. C'est le seul nom de Jésus-Christ qui les lit. Alors ils commencent à ressentir ce que les autres ressentent. Donc remarquez très bien ce qui se passe là. Alors au milieu de nous, alors que nous sommes là présents, connaissant les besoins les uns les autres, quelqu'un est insensible. Vous pensez que l'amour du Père demeure en lui? Je vais recommencer cela. Si vous n'avez pas compris, je vais recommencer. Je vais aller doucement. Je recommence encore. À Jérusalem, se trouvent les chrétiens qui sont pauvres. Dans la Macédoine, prenons un peu, éloignons un peu. Voici Douala, voilà, et Bolova, d'accord? Les chrétiens sont à Bolova, ils sont dans le besoin. Nous sommes ici. Non, c'est les chrétiens de quelle église? Si c'était notre époxy. Il dit bien si c'était notre époxy. Tu dis que les chrétiens souffrent là-bas, on va dire que c'est les chrétiens de quelle église? Pas vrai? C'est la question. C'est les questions démoniaco-sataniques de cette époque. C'est-à-dire que tu parles de quelqu'un, tu dis, oh, les chrétiens sont des souffrir en telle zone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que qui est le père spirituel? Les chrétiens souffrent là-bas. Qu'est-ce qui a amené les souffrir? Il faut regarder si ce péché, ce n'est pas le péché. C'est ça, non? Pour qu'on puisse donner, pour voir, si c'est pour savoir s'il faut donner ou pas. Ceux-ci ne posaient pas de questions. Les chrétiens, il y a des pauvres parmi eux. Non, ce n'est pas normal. Normalement, ils ne doivent pas avoir d'indigents. Alors, ils s'imposent une contribution pour envoyer, pour rehausser le niveau, pour qu'il n'y ait pas de dissension. Voilà, il n'y a pas de déséquilibre social au milieu des saints. Que quelqu'un ne se sent pas frustré parce qu'il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas d'argent. Si vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir les assemblées sont établies aujourd'hui sur le modèle mondain. Tu travailles, tu es cadre, on te met quelque part à un poste. Même si tu as trois familles, il n'y a pas de problème. Tu couches avec la femme du pasteur, il s'éteint. Pourquoi? Parce que c'est toi qui finances l'église. Alors, comment on a disloqué les choses de Dieu? On a parce que pourtant les principes de Dieu sont clairs dans la Bible quant à les fonctions. Par rapport à attribuer une fonction à quelqu'un. C'est parce que la Bible déclare, frère. Donc Dieu a donné sa constitution. Nous avons cherché les nôtres. Et nous disons qu'avec notre constitution, nous servons Dieu. Donc nous avons poussé la Bible de côté. D'autres ont encore des règlements intérieurs. Que chez nous ici, après 5 ans, tu quittes des diacres à anciens. Que c'est chez nous ici, article 1er. C'est eux qui disent ça là. Elle choisit pour 3 ans le pasteur de telle assemblée. Donc, ils ont les constitutions en dehors de la Bible. Vous pensez que c'est la constitution de Dieu qu'on a dû suivre? Alors maintenant, nous qui sommes en bas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la Macédoine et la Caïe s'étaient imposés eux-mêmes des contributions pour les saints de Jérusalem. Je veux que vous voyez cet aspect-ci. Ils ne connaissaient pas les saints qui sont à Jérusalem personnellement. Ils n'avaient pas de relation. La seule chose qui les liait, c'est qu'ils invoquaient le même Seigneur. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1, l'apôtre Paul dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ouais, n'est-ce pas? À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Voilà les choses qui nous lient. Point final. Que son père soit gouverneur, c'est son problème. Non, on invoque le même Seigneur. Si on invoque le même Seigneur, on a les mêmes dispositions, donc les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce que vous comprenez? Ok, voilà pourquoi, Dieu merci, voilà pourquoi au milieu chrétien il n'y a pas de tenue. Parce qu'il y avait des tenues, c'est qu'il y a des gens qui ne viendraient même pas. Pas vrai, frère? Dieu merci pour cela. Continuons ici. Verset 27, écoutez bien, l'apôtre va emphasiser sur quelque chose maintenant. Elles, vous y êtes? Elles s'y sont mis pour les églises de la Macédoine et de la Caïe. Vous y avez moi, n'est-ce pas? Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Oh frère, c'est merveilleux. Elles l'ont bien voulu. Donc, les gens de la Macédoine et de la Caïe ont bien voulu le faire. Pourquoi? La Macédoine et la Caïe comprenaient exactement la grâce qui était dans la vie de Christ, qui était arrivée jusqu'au... Regardez bien ceci, suivez attentivement. Les gens de la Macédoine, de la Caïe, avaient compris la grâce qui était sortie de Jérusalem. Écoutez très bien ceci. Ils reconnaissaient exactement... Que nous était la grâce de Dieu pour que ça quitte de Jérusalem, pour que l'évangile vienne vers eux, ils ne seraient pas sauvés. Alors ils ont compris maintenant ce que vous appelez une dette morale, en quelque sorte. Ils reconnaissaient que non. Si du côté de Jérusalem est venue la vie spirituelle, que nous avons le bien matériel, c'est normal que nous sommes là-bas. C'est exactement ce que Galates 6 dit. C'est ça qu'on entend dire ici. Il dit que, regardez bien, elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Vous y êtes, car si les païens ont une part à leur avantage spirituel, ils doivent. Quelqu'un dit, ils doivent. Voilà. Maintenant, peut-être je peux me tromper sur ce point-là, parce que je ne suis pas fort en français. Quand on dit devoir, c'est facultatif ou c'est obligatoire? Si c'est obligatoire, ça devient un commandement. Si c'est obligatoire, on est d'accord, n'est-ce pas? Si c'est obligatoire, ça veut dire que c'est un commandement. Regardez bien, on dit... Car si les païens ont eu part à leur avantage, leur s'est mis pour les gens de Jérusalem, à leur avantage spirituel, ils maintenant sont mis pour les païens. Vous y êtes? Ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Frère, je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on lit chaque fois. C'est écrit dans votre Bible comme ça? C'est écrit ainsi dans votre Bible? C'est écrit comme ça dans votre Bible? Alors, donc, voilà donc comment les choses de Dieu sont positionnées dans la Bible. Je ne sais pas donc comment on fait pour que les gens puissent donner l'argent. Ils viennent se donner 100 000, d'autres viennent donner 3 millions, aussi, ils croient qu'ils ont des données à Dieu. Pourtant, cette façon, ah, une grosse Bible. Comment ça se passe? Vous pensez, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir l'argent dans la vie des gens? Que venez semer 3 millions ici pour construire cette grande œuvre. On va acheter un grand terrain là-bas. Quelqu'un dit que non, j'ai 4 hectares, prenez 5, vous construisez une grande église là-bas. Ça sort d'où? Où est-ce qu'on va prendre ça? Regardez ce qui est écrit. On dit qu'il leur donnait. Il leur devait cela. Car s'ils ont eu part à leur bien spirituel, ça vient des Juifs. C'est venu de Jérusalem. C'est venu là-bas, ils ont annoncé. C'est de la Jérusalem que c'est sorti. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand il y avait un problème, on allait d'abord aller régler à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il fallait que tout soit établi. Quand c'est établi maintenant, ça peut aller n'importe où, comme Christ l'avait dit. Alors voilà dans votre Bible, mes frères. Voilà dans votre Bible. Donc, implicitement, on nous dit clairement que si vous avez avantage de quelque chose de spirituel, vous devez remettre quelque chose de physique. C'est que il a dit qu'ils doivent. Pointe quelqu'un dit que tu dois. D'accord? Ok, avançons, c'est pas fini. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons. Maintenant, on appelle ces dons ça les dons. Vous avez vu, n'est-ce pas? L'assistance qui va porter. L'apôtre Paul, ça passe la transition. Il est allé en Espagne. Il va arriver à Jérusalem. Il passe chez vous, chez les Romains, parce que Rome et l'Italie se proches. Il prend ça là-bas, il continue à Jérusalem. Il va donner. Et ça, c'est ceux-ci qui ont donné pour vous. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Remarquez, vous allez voir ces choses-ci. Quand on vend des apôtres puis les apôtres, ce n'est pas pour les apôtres. Pour quelqu'un ne doit pas dire que non, ça fait 3 ans qu'il est dans le ministère, il a jeûné pendant 3 ans. Maintenant, on commence à voir le ventre de passer comme ça pousser. Le ventre de passer comme ça pousser. On dit que c'est quoi? Que ce sont les fêtes de récolte. Que c'est les fêtes de récolte. Vous voyez un pasteur, le ventre commence à pousser. C'est un pasteur, elle est enceinte de l'iniquité. Il est enceinte de l'iniquité, je vous dis. C'est pour ça qu'on a vu que c'était les raccourcis. Les gens ne comprennent pas qu'ils ont. Quand ils restent comme ça, ils prêchent que venez donner votre argent, sinon vous êtes maudits là. Ils ne savent pas que lui-même, c'est lui qui est le premier maudit là. Il a déversé seulement les germes de la malédiction comme ça. Parce que la Bible déclare que quand on venait déposer au pied des apôtres, ce n'était pas pour l'apôtre. L'apôtre servait de canal pour distribuer selon les besoins de chacun. Et en plus, lorsque les diacres étaient positionnés, ça ne passait plus par les apôtres. Les administrateurs de ces biens-là étaient des diacres. Est-ce que c'est ses frères? Donc il dit. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien le sujet des prières de l'apôtre Paul. Frère, il y a des choses magnifiques dans cette Bible-ci. Écoutez le sujet des prières. L'apôtre Paul dit que je vous exhorte à combattre avec moi. Pas qu'on vient gréver pour marcher dans la rue. Qu'on combat avec lui dans la prière. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, qui commencent à prier. Écoutez bien le sujet, le pourquoi il faut prier. Frère, c'est merveilleux. Écoutez bien. Maintenant, verset 29, verset 31. Regarde bien. Je vais encore prendre de 30 à 31. Regardez. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la jeunesse et que les dons que je porte de Jérusalem soient agréés des saints. Donc il prie même que les saints à qui les dons sont destinés qu'ils acceptent. Levons, on va prier. On va prier d'abord, d'accord? Frère, nous, quelle église nous avons en cette époque-ci et qu'est-ce que Dieu nous montre dans la Bible? C'est-à-dire que quelqu'un prend les dons pour les donner à quelqu'un. Et il dit, si vous pouvez prier pour que ceux à qui les dons sont destinés puissent accepter. C'est terrible, pas vrai? Alors maintenant, aujourd'hui, quand nous faisons un peu de bien, nous passons à Canada pour y annoncer. Que frère, tes frères, si c'était pour regarder l'habillement, c'est moi qui l'ai habillé comme ça. Ça m'a coûté 200 000. Mais frère, tu es plein de bonnes œuvres. Hein? Frère, tu as une récompense. Est-ce que vous saisissez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit qu'on adresse à Dieu des prières pour que les dons qu'il transporte à Jérusalem soient agréés des saints. Remarquez très bien qu'on appelle saints, qu'ils soient pauvres ou pas. Ils sont pauvres matériellement, mais ils sont saints tout de même que les gens qui ont des matériels. Donc, on n'est pas qualifié de saints par rapport à ce qu'on a. Que non, comme tu es saint, là, quand tu as des bonnes maisons, une belle voiture, là, que c'est parce que tu sais que Dieu a fait en forme avec Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit qu'on prie pour lui, pour que lorsqu'il va arriver comme ça, que c'est les saints qui ont pris, que la personne prenne avec action de grâce. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul dit? Parce qu'ils savent qu'il y a des bénédictions, plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que les saints qui ont ici le matériel, ils viennent donner à celui-ci. Ils ne doivent pas se vanter parce qu'ils ont donné. Ils doivent seulement prier Dieu pour que celui-ci puisse prendre. Parce qu'il prend, lui, il est béni. Frère, c'est merveilleux. Alors maintenant, chez nous, c'est quand plus on reçoit, plus on est, waouh, je suis béni. Frère, si tu es béni, tu reçois comme ça. Tu as ça, tu accumules. C'est que ça le signe de la malédiction futuriste. C'est ça, n'est-ce pas? Regarde, si vous restez l'argent, réfléchissez très bien. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu commences à tomber, tu commences à se débarrasser, je me débarrasse aussi. Ça, en tout cas, on est, maintenant, compte pour daddy, compte pour papi, compte pour ceci, frère, vous avez accumulé la malédiction. Je recommence encore. Je ne parle pas de monde. Nous parlons de chrétiens. Donc, si vous avez votre réunion chrétienne, mondaino-chrétienne, c'est votre problème avec Satan. Nous parlons des réunions chrétiennes. D'accord? La réunion chrétienne, c'est un message. Nous allons prier que Dieu nous donne le cœur disposé afin que nous donnions à la manière de Dieu. Que nous donnions à la manière de Dieu. Prions d'abord avant de continuer l'enseignement. Seigneur, donne-moi un cœur de donner à ta manière, de s'aimer de la façon dont tu aimes. Seigneur, tu as dit à l'apôtre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on ne parvient pas à saisir ce qu'il y a de bonheur à donner. Seigneur, donne-nous de comprendre qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Seigneur, donne à mon cœur de s'aimer sans murmure, de s'aimer sans murmure, de donner sans espérer quoi que ce soit en retour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, veuillez vous asseoir. C'est merveilleux, je vous dis. Et la chrétienté d'aujourd'hui ne me dit pas seulement. Si tu as quelqu'un, frère, donne telle chose. Enfin, s'il résiste à l'être à Dieu lui-même, quand Dieu dit à quelqu'un, vous voyez, Dieu met à quelqu'un, donne-lui 20 000. Il donne 20 000 qu'il a travaillé quoi. 20 000 sur mon argent et je vais faire comment avec les enfants. On commence à raisonner, le raisonnement. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas si vous comprenez l'implication de ces choses-ci. L'apôtre Paul dit que s'il vous plaît, priez pour moi pour que les dons que je prends là pour aller, pour qu'ils puissent agréer. Pour que les saints l'agréent. Il n'a pas dit que Dieu agrée. Il a dit les saints. Donc ça veut dire qu'il vient comme ça parce qu'il peut arriver là-bas, les pauvres l'ont dit qu'on ne veut pas. Si les pauvres ne prennent pas, les gens de la Macédoine et de la Caïe ne sont pas bénis. Écoutez encore la parole du Seigneur, c'est Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur. Plus de bonheur. Donc, c'est une bénédiction déjà d'être dans la position de donner. C'est une bénédiction. Mais cette fois-ci, il faut donner à la manière du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons prié. Pas vrai? Vous parlez de la Bible. C'est-à-dire que quelqu'un prie. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre cet argent? Merci. Donc, normalement, c'est toi qui prends l'argent, qui n'a pas donné l'argent, qui prie que la personne à qui tu donnes prend. Vous savez, c'est prêt? Il dit, je suis du côté chrétien. Il dit, normalement, tu peux faire une offrande à quelqu'un. Tu dois prier Dieu que la personne accepte ton offrande. Maintenant, tu donnes à quelqu'un de 1. Après, tu guettes son visage, il va te dire merci. Il dit, merci, que c'est la dernière fois qu'il te fait du bien. Que Jésus fait du bien, je fais du bien. J'ai passé mon temps à faire du bien, on m'a toujours fait du mal. Frère, il faut qu'on comprenne ce principe de il y a plus de bonheur à donner qu'à. On donne sans espérer quoi que ce soit. Tu donnes, sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui contrôle cela. Que la personne qui reçoit fasse n'importe quoi de cela, c'est son problème. D'accord? Vous y êtes? Vous essayez, n'est-ce pas, bien aimé? On peut continuer? Ok. Donc, deux styles d'offrande dans la Bible. Premier style, lorsque les saints sont dans le besoin. On a vu, n'est-ce pas? Romains chapitre 15, verset 24 à 36. 1 Corinthiens chapitre 16, on a vu cela. Actes des Apôtres, c'est vrai, il y a beaucoup. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 24 à 27, on a vu cela. Donc. Deuxième style maintenant. Ça veut dire que quand est-ce qu'on va parler de l'argent? Souvenez-vous de ceci, je vous ai dit que excluez le fait que quelqu'un vient vous dire il faut acheter la voiture au pasteur, il faut construire, acheter un terrain pour construire une église, pour qu'on puisse maintenant nous connaître, parce que si on veut nous connaître pour adorer avec nous, on va nous adorer. Oh. Tu dis à la personne que ouvre ta propre maison, on vient l'adorer là-bas. Que tu n'as pas un chemin, tu dis non, j'ai loué seulement, tu dis qu'on va s'asseoir. On n'a pas demandé que c'est la maison de location. L'apôtre, on a vu ici, la chapitre 28, où l'apôtre avait loué une maison pendant 2 ans où il recevait les gens. Pas vrai, n'est-ce pas? Voilà. C'est parce qu'on a toujours soif de prier. C'est que, vous savez, les différents héritages là, du catholicisme au protestantisme, méthodisme, baptiste, anabaptiste, les luthériens, ainsi de suite, jusqu'au pentecôtisme et les églises réveillées, on a hérité les cris. On croit que lorsqu'on crie, wouh, c'est là qu'on est réveillé. C'est pas comme ça. D'accord? On peut s'asseoir, on communie sans que quelqu'un qui est à côté soit troublé. Et on communie vraiment de la façon de Dieu. Il a dit lève où les vrais adorants en esprit. Il n'a pas dit en esprit et en cri. Il n'a pas dit avec esprit, avec les batteries, avec les micros. La première fois, prêcher 3 personnes ont cru. Il n'y avait pas de micro, pas de haut-parleur, pas vrai? Donc c'est l'église de réveil, les églises bruitières. On croit qu'en faisant le bruit, on est réveillé. Ce n'est pas ça qui nous fait réveil. Le réveil implique la connaissance de notre état lamentable de la vie spirituelle et par conséquent l'acceptation de la sainteté de Dieu dans nos vies. C'est ça le réveil. On avance. Tite chapitre 3. Le livre de Tite. Aider quelqu'un à trouver. Le livre de Tite au chapitre 3. Tite s'appelle le livre de Timothée. Pour ceux qui ont la Bible comme pour moi, cette Bible ici, ça se trouve à la page 1213. Donc si vous avez la même Bible noire comme ça, vous ouvrez la page 1213, vous l'aurez. Donc Tite est là. Chapitre 3 de Tite. Parce que je ne sais pas si, chaque fois quand vous lisez ces paroles dans la Bible, Jésus a dit... Si vous portez du fruit, le Père les mondera davantage. Vous avez lu ça dans votre Bible? Quand vous lisez, si vous portez des fruits, vous pensez que de quoi est-ce que Jésus est en train de parler? Quand il, vous, si vous portez du fruit, gardez ces mots en esprit. Portez du fruit. Le fruit de la foi, d'accord? Quand vous entendez le Seigneur dire, le premier, vous portez du fruit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Quand il parle des fruits, il parle de quoi? Donc lisons Tite chapitre 3, le verset 13 et 14. Donc c'est le deuxième style maintenant. D'accord? Je veux qu'au sortir, que ce soit clair avant qu'on entre maintenant dans la bienfaisance dont on a parlé depuis. Donc c'est les deux styles d'offrande dans l'église du Nouveau Testament. Les deux styles. Premier style, on prend les offrandes lorsque un frère ou des frères sont dans le besoin. Lorsque le besoin se fait sentir, on fait les offrandes. Les gens répondent selon leur prospérité. C'est-à-dire que quelqu'un vient s'aimer selon ses moyens. On n'impose pas. Il n'y a pas une somme. Chacun s'impose ce qu'il veut. Si tu travailles 100 000, tu décides que tu vas donner 1000 francs, on ne doit pas régimber parce que tu te touches gros. D'accord? Tout le monde n'a pas à avoir les yeux accusatifs, surtout que mince, tu touches 400 000. On te regarde, comme tu sors comme ça, tu commences à sortir, tu vas m'avoir pour. Chacun donne comme il a résolu. Et lorsqu'on parle des offrandes, ça n'est pas toujours dit que c'est en argent. Il faut que ce soit aussi clair. Lorsqu'on dit que les frères sont dans le besoin, il y a des gens parce que c'est tellement qu'ils n'ont pas d'habits. Et qu'il y a des frères qui peuvent avoir accès à des habits. La personne vient avec ses habits-là, il dit que c'est les habits que j'ai. Ils mettent à la disposition. C'est n'est-ce pas? Mais dans le titre chapitre 3, lisons le verset 13. Et 14, la Bible déclare, écoutez très bien, aie soin, il parle à Tite. Tite, en grec, ça veut dire nourrice. Nourrice, la personne qui est chargée pour nourrir les chrétiens. Il dit que toi qui es chargé pour nourrir les chrétiens, Tite, il dit, aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, virgule, le docteur de la loi et d'Apollos. Vous avez vu ça? Regardez bien. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, virgule, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que quoi? Rien ne les manque. Donc, Tite est chargé, écoutez très bien, lorsqu'on parle, je veux que vous, je ne lis pas encore le verset 14 pour que vous compreniez la chose. Tite est l'un des dirigeants, si vous regardez le chapitre 1, le verset 5, il dit que Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu, selon mon ordre, tu mettes en charge ce qui reste à faire, et que selon mon ordre, tu établis les anciens dans chaque église. Dans la ville de Crète, il y a plusieurs maisons où il y a des anciens, où il doit y avoir des anciens. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, les anciens dans chaque assemblée. Dans chaque assemblée. Alors, il dit que si Zénas se trouve chez vous, avec Apollo, il se trouve dans votre localité, n'est-ce pas? Aie soin de pouvoir aller voir pour que rien ne le manque. Ce n'est pas que Tite a l'argent quelque part où il va le prendre. C'est Tite qui va donner ses recommandations, comme l'apôtre Paul a donné une recommandation à 1 Corinthiens chapitre 16. C'est à lui de dire aux dirigeants des différentes assemblées maintenant que voici le docteur de la loi, il va falloir voyager. Il lui faut telle chose par rapport à son voyage. Et alors là, l'église s'en charge. Regardez, regardez, regardez le verset suivant pour vous comprendre. Donc, ce n'est pas Tite qui va payer le voyage. Ce n'est pas Tite qui paye le voyage des aînés et des apôtres. Regardez ce qui suit. Regarde. Il faut que les nôtres. Les nôtres, c'est qui? Voilà. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Pas n'importe quelle bonne œuvre. Pour subvenir aux besoins pressants. S'ils le font comme ça, afin qu'ils ne soient pas sans produit, quoi. C'est ce que Jésus disait. Frère, vous ne pouvez pas avoir la vie chrétienne sans la pratique de l'amour. C'est que vous vous mentez. C'est que vous vous mentez. La faute pour dire que les chrétiens doivent apprendre ça. Que c'est de leur responsabilité que s'il y a un frère qui veut voyager, qui vient, écoutez, il faut qu'on mette les choses au clair maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un voyageur pour aller enterrer sa grand-mère. Il dit, donne-moi l'argent. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ceux-ci, ce sont les docteurs de la loi qui marchent de façon itinérée pour enseigner la parole de Dieu. C'est pour cela, c'est pour ce but-là qu'il faut s'aimer. Je vais recommencer ça pour vous saisir. Je recommence encore pour que ça n'y ait pas de malentendus. Ça ne veut pas dire que si un chrétien veut voyager, aller à Trier, passer du bon temps, on lui paye le transport. C'est pas ce que Samuel dit. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible parle des gens qui voyagent pour l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on se comprenne. De la même façon, par rapport aux maisons, qu'on a dit que les maisons s'ouvrent au Seigneur, c'est pas que quand il veut me promener, vous ne pouvez pas chez quelqu'un dormir. C'est pas sans les questions. C'est pour des gens qui voyagent, qui se déplacent pour la cause de Christ. Il faut qu'on revienne là clairement. Que non. Et tu crées le problème si tu ne fuis pas dormir, je suis un frère. Parce que c'est mon frère, on a dit que les maisons, c'est ma maison. Tu enchaînes dans la chambre, tu crois depuis comme ça là. C'est pas ça dans toutes les questions. Oh. Donc il faut qu'on revienne sur les bases là. Vous dites amen, parce que vous avez à dire. Donc regardez. Il dit, est-ce qu'on de pouvoir au voyage des aînés. C'est en français, pour vous, ne me dites pas que vous ne comprenez pas. Il veut dire que payer le transport des aînés, le docteur de la loi et d'Apollos. D'accord? Après, il explique. S'il n'y a pas le dessus, il n'y avait pas le deuxième verset, c'est qu'il n'y a rien qui puisse me permettre de dire que ce n'est pas à Tite, c'est une partie qui va payer. Parce que Tite est l'un des dirigeants de l'église de Crète. Après, il dit à Tite qu'en réalité, les nôtres, les chrétiens doivent savoir qu'ils doivent pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Si vous comprenez, c'est n'est-ce pas? Pour suivre le premier puissant. Après, il dit encore, donc, après avoir dit ça, il dit que c'est à leur avantage. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Afin qu'il ne soit pas sans produit de fruits. Donc, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, dit qu'un chrétien qui ne sème pas de la bonne manière n'a pas de fruits. Et Jésus dit dans Saint Jean chapitre 15 que si quelqu'un ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Hein? À haute voix, frère. Okay. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin. Montre-moi tes fruits. Et je te dirai à quel niveau tu te trouves avec Christ. Il n'y a pas de chrétien. Remarquez très bien la façon que le Saint-Esprit a mis la chose. Il a dit qu'il faut que les nôtres apprennent aussi. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une sémence de la chichité en milieu des chrétiens. C'est ce qu'il a dit, je vous l'ai dit. Il faut, pour que tu apprennes, on t'apprend à manger, on t'apprend à voyager, c'est automatique. Quand tu dis non à quelqu'un, on ne t'apprend pas à dire non, N-O-N. Même l'enfant, celle-là à 3 mois, il voulait donner le remède, elle a fait comme ça là. Il ne sait pas qui lui a appris. Donc c'est à l'intérieur. Mais aux chrétiens, il faut qu'on leur apprenne à donner. Mais regardez bien, on n'apprend à personne de recevoir. Chacun connaît, dit merci quand on lui a donné, pas vrai? On est toujours comme ça, timé. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Donc il dit, il faut que les nôtres, c'est terrible. Quand il dit ça, ça m'étonne parce que normalement, sans vie chrétienne, on doit savoir que l'humanité est faite pour s'entendre avec l'autre. L'un est fait pour s'entendre normalement, sans que ça ne soit la vie chrétienne. Observez comment les Africains vivaient avant. Regardez seulement les villages, allez au village. Voyez comment une cour, une maison est placée à même dans l'autre cour. Chacun sort ici, entre là-bas, il prépare là-bas dans la mamie, l'autre vient s'asseoir, le soir il s'est réuni à côté d'un feu manger. Regardez l'harmonie en Afrique. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il finit faire comme ça là, il prie le dieu feu. Il part prier le dieu forêt. Il part prier le grand-père au derrière. C'est la seule chose qui est là. Si les Africains, de la bonne façon, au village, tels qu'ils sont là comme ça, se convertissent au Seigneur, ils ont la vie parfaite que Dieu veut. Je vous dis. Mais voici le frère Ferrand qui a fermé la barrière. On allait te préparer même là. Et oh, c'est pas seulement pour le frère Ferrand qui part. Voilà le frère Ferrand. Il a conçu, il a mis la grosse barrière, même de piquant, c'est ça que même si tu es chrétien, tu veux traverser, ça te pique. C'est pas ça. Ce n'est pas lui le problème, c'est que la culture maintenant, c'est la méfiance. On se méfie de l'autre. Au village, c'est pas comme ça. Vous avez vu un sorcier au village, il a entouré son truc pour fermer, même si on est sorcier. Quand c'est fort, le sorcier vient te demander même les allumettes, même pour brûler même ta propre photo. Pour allumer les bougies, pour tuer ton enfant, il demande. Regardez frère, je dis, quand vous passez dans les zones de forêt, vous savez que j'aime la forêt pour cela. L'harmonie qu'il y a là-bas. Quelqu'un sort, il va au marigot, il prend l'eau, là-bas il vient, il prépare sa nourriture, les noix à côté, il prépare. C'est à peine, quelqu'un sort de sa cuisine, il s'y ferme, le frigo a derrière la clé sur ça. Il dit, dans notre société, il y a l'eau là-bas, plus l'eau robinet, nous faut le frigo, où tu vas voir le pizza dedans. C'est quel genre de vie nous vivons. Je recommence encore, pour les monnaies c'est normal. Pour les chrétiens frères, ce n'est pas normal du tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus que ce n'est pas normal. Mais l'apôtre Paul dit ici, il faut que les nôtres apprennent. Dis à ton voisin, on va t'apprendre le ABC des données ici. Donc, tu dois savoir comment donner. Vous y êtes? Donc, il dit qu'il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Donc quand quelque chose est installé, quand ça presse, il faut qu'on puisse mettre la main à la pâte pour pouvoir résoudre le problème. Ok, maintenant, frère, maintenant, regardez bien, observez depuis ce que ça n'est pas allé aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris une caisse, il y a des églises qui ont des comptes en banque. Et que si tu contrôles les comptes en banque, c'est rocambolesque. Je vous dis, ça peut construire un village. Ils ont l'argent, ça garde là, les gens sont en train de souffrir à l'intérieur. Les veuves sont en train de souffrir à l'intérieur. Les orphelins sont en train de souffrir et l'argent est en train de produire. Les membres entre eux se jonglent, ils prennent les intérêts. Ok, maintenant, si c'était comme ça, l'apôtre Paul aurait dit qu'il faut que vous contribuez de l'argent, gardez chaque fois pour que s'il y a un problème, vous pouvez résoudre. Le Saint-Esprit n'a jamais prescrit ça. Il dit que quand le besoin est pressant, les gens pourvoient pour le faire. C'est la règle du Saint-Esprit. Pourquoi? On compte toujours sur le Seigneur que s'il y a un problème, Dieu va pouvoir. C'est cette relation avec le Seigneur qui est impliquée. C'est-à-dire qu'on compte que s'il y a un problème là, et si au milieu de vous, quelqu'un meurt, on n'a pas la pensée que quelqu'un meurt parce qu'on a pensé d'être enlevé. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, s'il arrive que quelqu'un meurt, Dieu ne l'a voulu pas vrai. Vous avez vu l'association des premiers apôtres de Christ à Jérusalem qui ont contribué l'argent dans leur réunion pour enterrer Étienne. C'est-à-dire que les apôtres, comme les premiers, vous savez quand les gens sortent de l'école, on dit à ce ancien promoteur de l'école supérieure des polytechniques. On se rassemble chaque fois pour voir des problèmes comme ça. Si tu as des problèmes, on t'aide. Les apôtres ont fait ces choses-là. Comme ça, c'est au milieu de nous, si l'un de nous meurt, on sache comment on va le transporter au village. On a tué Étienne. Si vous voulez enterrer ou n'enterrer pas, Étienne se trouve en haut. C'est son corps qui va vous sentir, c'est vous-même qui allez vous le débarrasser. Est-ce que c'est ici? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens entrent à la réunion? Comme ça, s'il y a un problème au village, on peut enterrer. Alors, ça commence à créer un conflit. J'ai enterré ta mère, ma mère est morte, tu ne vas pas venir enterrer. La haine commence. C'est quoi ces choses? Vous voyez, frère, comment on a copié les choses du monde, on a intégré dans la parole de notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais dis à ton voisin, tu dois apprendre à s'aimer. Mais à s'aimer de la bonne manière. Donc, si vous allez ici, vous avez s'aimer d'une certaine façon, comme vous avez s'aimer dès le départ de tout ce qu'on a dénoncé là, sachez que votre semence a été semée sur le ciment. Ça ne poussera pas. Vous savez, creuser sur mettez les mains fermées, vous allez voir. Ça ne poussera pas, d'accord? Voici donc la façon, donc comme la Bible en est présentée, c'est ça, c'est la façon de s'aimer. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, vous vous sentez impliqué. Pourquoi? Parce que cette semence que tu en avais fait, la Bible déclare, comme on va lire tout à l'heure, que celui qui donne au pauvre prête à l'Éternel qui le lui rendra. C'est la voix des chrétiens là-bas. C'est la voix des chrétiens. Quand tu donnes à quelqu'un, comme les gens de Macédoine, de d'Acaï ont donné au sein de Jérusalem, comme ils ont donné comme ça là, c'est à Dieu qu'ils ont donné, ils n'ont pas donné à un être humain. D'accord, bien-aimé? Je vais donner un passage de la Bible, je vais commencer à citer, c'est que vous connaissez, je veux seulement que vous compreniez l'implication. Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu, vous avez vu les réflexes pentecôtistes, non? Vous connaissez. C'est exactement ce qui est écrit là-bas. Or, remarquez très bien qu'un pasteur va tenir là-bas. Il lui dit, vous dites, et mon Dieu, pouvoir à tous vos besoins. Si vous étudiez la Bible doucement, vous allez remarquer très bien que l'apôtre Paul qui en est dit que son Dieu à lui va pouvoir à vous, vos besoins. Pourquoi il dit ça aux Philippiens? Parce que quand il était dans la nécessité, les Philippiens ont pourvu à son besoin. Quand lui, il était dans la nécessité, les Philippiens ont pourvu à ses besoins à lui. Alors maintenant, il dit donc, il veut leur dire que comme vous avez donné comme ça, mon Dieu que je sais, à cause de ce que vous avez donné, va pourvoir davantage chez vous. Tu es là comme ça, tu n'as rien donné à quelqu'un. Tu dis que mon Dieu pourra tous mes besoins. Mon Dieu pourra tout. C'est pas ce que la Bible déclare. Il a dit, mon Dieu, le Dieu de celui qui reçoit, pourvoira aux besoins de celui qui donne. Lisons. Lisons, frère, avant de continuer. Philippiens. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. C'est pas comme ça là. C'est pas dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Dis à ton voisin que ce n'est pas comme ça. Voilà. Ne tordez pas les écritures. On n'a pas dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il y a le Dieu de quelqu'un qui a de parler, il y a qui va pouvoir à ceux à qui il s'adresse. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, Philippiens. Chapitre 4. On y va? Ok. Regardez bien, je vais lire à partir du verset 10 pour que vous compreniez comment il amène la chose. Chapitre 4 de Philippiens, je vais lire à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, les gens s'y pensaient comment faire du bien à Paul. Mais ils ne savaient pas comment le faire. Ils avaient, mais maintenant, ils ont trouvé l'occasion. Vous voyez là, n'est-ce pas? Après, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins. Quel est le problème? Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il en a parlé de quelqu'un qui ont pensé à l'apôtre Paul, d'accord? Il dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je vais dire ça à un pasteur aujourd'hui. Il dit, l'apôtre Paul dit, en fait, je dis ça, ce n'est pas pour vous dire que vous me donnez encore davantage. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il dit, il a appris à être dans l'état. Donc, quand il est dans le manque, il remercie le Seigneur. Quand il a quelque chose, il rend grâce au Seigneur. Et il s'est trouvé dans une position ici où les Philippiens lui avaient donné quelque chose. Alors, il est en train de rendre grâce à Dieu pour cela. Et il lui donne la révélation de ce qui se cache, des restes qu'ils ont, eux, ils ont donné. D'accord, bien-aimé? Alors, maintenant, il dit ici, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Vous voyez, n'est-ce pas? En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, il y a de bons et de mauvais moments pour le chrétien. C'est le 20e siècle qu'on dit qu'il n'y en a pas. 20e siècle, il dit que tu. Dis-moi ce que tu as à la maison, il te dit que Dieu, tu sais. C'est pas comme ça. Vous voyez là, n'est-ce pas? En fait, c'est lui qui a écrit dans 1 Timothée 6, le contentement. Donc, il en a parlé comme ça du mystère du contentement dans la vie chrétienne. Ok, maintenant, regardez. Verset 13. J'ai pu tout par. Enfin, dans l'original, c'est pas écrit comme ça, mais je vais lire tel que c'est écrit là. Par celui qui me fortifie. Cependant, regardez bien. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Oh frère, c'est merveilleux. C'est l'apôtre Paul qui en a parlé là, n'est-ce pas? Il dit aux Philippiens, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Regardez. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qui, pour qu'elle donnait et recevait. Frère, vous ne savez pas qui est l'apôtre Paul. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir une couronne supérieure à l'apôtre Paul. Je vous le dis, ce qu'il a vécu. Il dit, dans l'église de Macédoine, remarquez très bien, nous parlons de Macédoine et à quelqu'un qui faisait le don pour Jérusalem. On n'a pas pensé à l'apôtre Paul dedans. Il venait seulement prendre, il pas donné. Il marche. Il y a haut, il accepte. Il n'y a pas haut, il n'accepte pas. Il dit que, il dit, verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile. Donc, quand elle a commencé son ministère, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi. C'est-à-dire qu'aucune église ne me donnait quoi que ce soit. Il n'y avait rien qui recevait. Regardez bien. Après, il va dire maintenant, verset 16, vous fûtes les seuls à le faire. Donc, seule l'église des Philippiens, j'avais mis à leur cœur de faire quelque chose pour la faute folle. Or, il ne venait pas que pour demander. Remarquez très bien, si vous lisez le livre des Thessaloniciens, la Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine. L'on en a parlé là. Il dit, la Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il dit que nous n'avons pas eu de motif impur au milieu de vous. Non, notre prédication ne repose ni sur la fraude, ni sur le reste, sur un mobile de cupidité. Jamais nous n'avons eu de fraude au milieu de vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, ce sont ces Macédoniens qui donnaient davantage. Ils avaient la richesse pour donner. Si c'était notre époque aujourd'hui, on devait dire que où est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'argent, doit l'argent, les gens vivent là-bas pour être. Donc si l'apôtre Paul avait ce ministère d'escroquerie qu'on a aujourd'hui là, c'est qu'il escroquerait, il devait construire des bâtiments à l'église Paulien. Mais il n'a pas fait cela. Mais regardez bien, les gens chez qui, les gens qui s'aimaient de part et d'autre de la Macédoine, il est arrivé à prêcher l'évangile, il n'a pas pris 5 francs. Ce sont les Philippiens, la ville de Philippe qui est proche de la Macédoine, dans la Macédoine aussi. C'est eux qui ont pensé, pas que l'apôtre Paul leur a demandé. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il n'a pas demandé. Alors maintenant, l'apôtre dit, verset 17, il dit, non, verset 16, il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir mes besoins. Vous avez vu ça? Vous avez vu, n'est-ce pas? Je recommence encore. Nous sommes dans la deuxième catégorie. Je vais donner Tite chapitre 3, le verset 13 à 14. On a lu ça, n'est-ce pas? Voilà encore ceci. Voici un ministre de l'évangile, parce qu'il est dans le ministère de l'évangile pleinement. Les Philippiens comprennent clairement que celui-ci a besoin de quelque chose. Les Thessaloniques, il était à Thessalonique, où les Thessaloniciens sont remplis des œuvres de foi, jusqu'à ce que dans toute la Macédoine entière, leur foi est retentie. Eux ne font rien. C'est les Philippiens qui envoient quelque chose pour lui, à deux reprises. C'est merveilleux, je vous dis. À deux reprises. Et là, il est là, il ne dit rien, il ne dit rien. Remarquez encore. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Remarquez très bien. Dans Tite chapitre 3, il a dit qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes pour pouvoir aux besoins pressants. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement changer. C'est la chose. D'accord? Vous savez, n'est-ce pas? Voilà, voici la deuxième chose. Voici la deuxième façon de susciter des fonds au milieu chrétien. Pour pouvoir, pour ceux qui voyagent, pour annoncer l'évangile. Vous avez vu? Premier, au milieu des saints, si les saints ont leurs besoins, on pourvoit par rapport à cela. Deuxième, si ceux, pour ceux qui annoncent la parole de Dieu. S'ils doivent aller quelque part, pour aller annoncer, vous pouvez son transport, son déplacement. Normalement, là où il arrive, il atterrit, l'église d'abord doit prendre charge. S'il veut voyager, il voyage. Par exemple, Zénon et Apollo étaient chez à Crète, où ils étaient. C'est l'assemblée de Crète qui devait pouvoir le voir pour qu'il quitte là-bas pour aller quelque part. Quand arrive quelque part, l'église qui les reçoit, c'est eux qui prennent charge. C'est n'est-ce pas, frère? C'est comme ça, c'est que les frères et dans le monde entier ne devaient pas avoir de problème. Va un peu en Europe chez un frère chrétien, tu t'en comme ça à arriver. Donc il est chrétien à l'église. Chez lui, le territoire est restreint. Frère, il y a des choses à faire en Europe. Mais ceci va être porté quelque part. Ça va bouleverser les façons de vivre. Ici encore, ça ne peut pas encore trop vous toucher. Parce que la majorité d'entre vous ici louent seulement. D'autres sont en train de se débrouiller. Ils ont même payé le terrain. Ils n'ont pas encore fini l'argent même pour commencer. Mais attends que ça trouve quelqu'un qui a deux maisons, quatre maisons, cinq maisons. Il va confirmer. Vous allez voir, quelqu'un va sortir du milieu de nous. Ça dit que chez vous, là, votre évangile là est trop dur. Mais ça va aller. Ceux qui sont de Dieu vont ébrouiller la parole de Dieu. Donc il a dit clairement qu'on doit apprendre aux chrétiens à pratiquer. Il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Après, il dit, afin qu'ils ne soient pas sans porter de fruits. Parce que leur vie spirituelle, leur résultat, le fruit qui abonde devant Dieu, on va parler de cela maintenant, dépend de cela. Vous savez, n'est-ce pas? Dépend de cela. Alors, c'est écrit dans les cieux que l'église de Philippe va donner quelque chose à l'apôtre Paul. N'est-ce pas merveilleux, frère? N'est-ce pas merveilleux, ça? Regarde, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 3, ses enfants s'y sont dérangés. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, il dit j'ai semé. Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. Il était enseigné que ce n'est pas ni celui qui a semé, ni celui qui a arrosé quelque chose, mais c'est Dieu qui a quelque chose. Et chacun recevra selon sa récompense, selon ce qu'il a fait. Ça vous fait quoi, là, mes chers amis? C'est-à-dire que je prêche l'évangile dès le départ, quelqu'un vient fortifier. Il y a la récompense pour les prêcheurs, la récompense pour les fortifieurs. Banaba va venir exhorter. L'autre va venir, il dit que non, j'ai mon ministère sur la libéralité. Vous avez quoi ici? Il n'y a pas de chaise ici. Il achète les chaises. Il continue. Celui qui a prêché a sa part. Celui qui est venu exhorter a sa part. Celui qui a semé la liberté a sa part. Et c'est Dieu qui va récompenser. C'est terrible. On avance, frère. Ok, donc il continue ici. Il dit, verset 17. Regardez bien. Ce n'est pas que je recherche les dons. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens aujourd'hui, dans Romains aujourd'hui, il a parlé des dons. Donc, non, ça c'est le don. Maintenant, regardez bien ce qu'il a dit. Frère, les profondeurs de la parole. Les profondeurs de la parole. Donc, il y a assez de temps, on peut parler. Regardez bien. Il dit, ce n'est pas que je cherche des dons. Regardez bien. Mais je recherche quoi? Souligner. Ce n'est pas ce fruit. Ce n'est pas ce fruit du tout. Ce n'est pas ce fruit du tout. Regarde, il dit, mais je recherche le fruit qui? Pour moi, l'apôtre Paul. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez compris? Il dit que je ne dis pas ça pour que vous me donnez des dons. C'est pas ça, loin de là. Ils disent là parce qu'il y a un mystère et une révélation dans le fait que le simple fait qu'ils ont donné à l'apôtre Paul. Parce que c'est, écoutez bien, c'est par révélation qu'ils ont donné à l'apôtre Paul. C'est par révélation qu'ils ont donné à l'apôtre Paul. Donc, ça veut dire que si c'est pas révélation, c'est pas amour. Alors, si c'est pas amour, il dit donc que je ne recherche pas les dons, mais je recherche les fruits. C'est la preuve, justement, que ceux-ci sont arrivés à la maturité de l'évangile. Il n'a pas parlé de l'évangile, il n'a pas parlé de la prospérité. Il n'a pas prêché que donnez-moi, que j'ai le droit. Il a dit clairement que, bien que j'avais les droits en tant qu'apôtre de Christ, je n'ai pas fait les 7 droits. Je ne me laisserai pas enlever ce sujet de gloire-là. Pour que ça ne soit pas question de vendre l'évangile de Christ. Mais les Philippiens avaient compris qu'ils doivent pouvoir avoir besoin. Comme l'apôtre Paul a prescrit à titre qu'elles sont les pouvoirs besoin des énades-là. Ils savaient, les Philippiens connaissaient cela. Donc le principe, les Philippiens l'avaient. Alors l'apôtre Paul dit donc que, il dit, je recherche donc des fruits qui, regardez bien le mot, qui alors maintenant, c'est quoi un compte? Vous qui travaillez en banque, le compte c'est quoi? C'est-à-dire que quelqu'un a une caisse quelque part, ou quand elle s'est retombée, il jette là-bas, ça tombe dedans. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand c'est là-bas, c'est gardé dans un lieu sûr. Pas vrai? Alors ceux-ci, en jetant à l'apôtre Paul, il dit, l'apôtre Paul dit que ça entre dans leur compte, ça produit des fruits dans leur compte. C'est-à-dire ton voisin, tu as un compte quelque part. Peut-être que tu n'as pas envie. Dès maintenant, commence à remplir. C'est frère. Avez-vous déjà lu Philippiens si? Vous avez déjà lu Philippiens si, n'est-ce pas? Mais c'est là devant nous. Parce que l'heure de ça est arrivée. C'est tout simplement, c'est pour cela, si vous lisez maintenant, vous voyez ça autrement. C'est tout simplement parce que l'heure de cela est arrivée. L'heure de ça, les Écritures doivent arriver, ça doit marcher maintenant. Regardez, il dit, quand il dit cela, ce n'est pas que je cherche des dons pour mon corps, pour ma femme, c'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est pour vous, vous-même. Pour que des fruits abondent pour votre compte. Alors maintenant, nous sommes au verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Comme quoi? Et virgule, un sacrifice que Dieu et qui lui est très souligné. Il dit que les saints doivent comprendre le mystère dans le donné. On doit comprendre ça. Il dit que c'est un parfum de bonne odeur, d'une agréable odeur que Dieu. Donc, quand vous voyez dans la Bible, dans votre ancien testament, on dit que tu ajouteras à gauche et à droite. Et son parfum, c'est le parfum d'une agréable odeur à l'éternel. Voilà ça, dans le ministère chrétien. Donner à la manière de Dieu. C'est, n'est-ce pas? Ok, maintenant, après, il va dire maintenant, regardez, il va conclure ici. Verset 19, le fameux verset 19. Il dit et. Mon Dieu pourvoira vous avez vu ça, n'est-ce pas? Hein? Donc, ne coupez pas les versets cités quand le pasteur vous font citer. Vous avez maintenant compris pourquoi l'apôtre Paul a dit ça ici, n'est-ce pas? Hein? Donc, ce verset-ci ne doit pas être cité par quelqu'un qui ne reçoit pas quelque chose. C'est celui qui reçoit quelque chose qui doit citer ce verset. Je vais encore recommencer. C'est devant vous la maison. Moi, je ne donne rien à ce frère-ci. Je commence à dire que mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Écoutez, ce n'est pas écrit mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Ce n'est pas écrit comme ça. Remarquez encore ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Le frère, s'il donne ton big voix, il me donne son big par amour. Le seul qui me donne son big par amour, il a prêté quelque chose à l'éternel. Alors je peux élever une prière que le Dieu que je sers lui donne quelque chose. Alors quand je reçois le big, je dis mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Donc la personne qui prononce ça reçoit quelque chose d'une autre personne. C'est ce qui est écrit dans votre Bible, mon frère. Vous savez saisir, n'est-ce pas? Voilà. Dis à ton voisin, il y a de la joie à donner. Qu'à recevoir. Donc que Timé finisse. Vous savez que Timé, n'est-ce pas? Donc. Donc le moment est arrivé, il faut qu'on tende la main. Souvenez-vous, là où vous êtes assis devant moi, vous me regardez comme ça, chacun de vos deux yeux là, vous voyez très bien. Donc ne me dites pas que vous avez le flou dans votre yeux. Vous me voyez très bien, n'est-ce pas? Vous avez toujours quelque chose à donner. Vous avez toujours quelque chose à donner. D'accord? Ok, donc, l'apôtre Paul, voilà ce qui est pour Philippiens. Premier verset, c'est chapitre 3, verset 13 à 14, on a vu que dans l'évangélisation, il y a des gens qui partent de façon itinéraire, ils partent évangéliser. Si on a le temps, on peut lire cela partout dans les apôtres. D'accord? Alors maintenant, ceci, c'est la même façon avec l'apôtre Paul, qui marche pour évangéliser. Alors, l'assemblée locale prend soin d'eux. Vous avez compris? C'est uniquement pour cela, pour le voir. C'est ce qu'on a de voir. Premier cas, on avait vu que l'assemblée rassemblait des fonds lorsque les saints sont dans le besoin. Tant que les saints sont dans le besoin, on va rassembler les fonds jusqu'à ce que les saints qui sont dans le besoin s'extombent. D'accord? Déjà, un, il est notable, il est clair que s'il y a des pauvres au milieu de nous, on doit recevoir le fonds jusqu'à ce que ça soit résolu. C'est ce que la Bible déclare. On dit qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux parce que ceux qui avaient des biens vendaient, les devaient déposer, ont fait la distribution pour que l'équilibre soit établi. Pas vrai, frère? C'est pas ça, frère? C'est ça. Jacques, chapitre 2. Maintenant, on avance. Donc, j'ai fini avec le premier point, là on s'est arrêté la dernière fois, par rapport à on ne donne pas les dîmes. Les offrandes, ce n'est pas comment on fait maintenant. Comment est-ce que les offrandes se font? En cette quatrième partie, c'est répondu. Les offrandes se font de cette façon, comme on a lu là dans la Bible. D'accord? Alors, vous allez encore retrouver certains d'autres versets. Le livre du prophète Jacques. Après le livre des Hébreux. Jacques, le chapitre 2. On y va? Ok. Je vais lire à partir du verset 14. Suivez attentivement dans votre Bible. Tout le monde a compris maintenant que moi, en tant que chrétien, personnellement, ma vie spirituelle doit évoluer par les fruits, n'est-ce pas? Nous avons compris que les fruits là sont implicitement et explicitement le matériel vers quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas que j'ai des fruits. Si j'ai des fruits, comme ça les gens sont sauvés, j'ai des fruits. Ce n'est pas de ça dont il est question. Les âmes qui sont sauvées, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que Dieu voudra que tu fasses pour ceci, c'est que si quelqu'un veut, si Dieu envoie quelqu'un, par exemple, à Maloka pour aller annoncer l'évangile et qu'il n'a pas l'argent pour aller, pour y aller, tu payes son transport, il part pour annoncer l'évangile. Lui qui part annoncer l'évangile là-bas, pour que le Saint-Esprit puisse les amener à lui, à sa récompense. Toi qui as payé son transport, tu as sa récompense. C'est ça qu'on appelle le parler de fruit. D'accord? Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Regardez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous y êtes? Quelqu'un peut répondre à la question? Ça ne lui sert nécessairement à rien. Cette question, ce qui est purement rhétorique, implique automatiquement, ça veut dire que si tu dis que tu as la foi, les œuvres doivent suivre. Si tu dis que tu as la foi, les œuvres doivent suivre. Il dit, la foi peut-elle le sauver? Ça suppose que cette personne-ci n'a pas foi de la bonne façon. Donc tu peux croire que tu crois alors que tu ne crois pas. C'est ce qu'il a dit. Parce que si on croit, il y a une implication. Mais ici, il reconnaît donc que des années qui sont passées et qu'on a été dans l'apostasie a impliqué que même les personnes qui étaient bonnes ont fait de la mauvaise façon. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation, ce n'est pas parce qu'eux ils veulent, mais parce qu'ils ont trouvé une fondation. On a continué dans cette fondation-là, et ce qui fait que les personnes ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'on les y a induits. Les prédicateurs qui ont été là ont induit des mauvais enseignements. Ça fait que personne n'ont pas de support fiable pour se reposer et produire ces fruits-là. D'accord, bien-aimés? Et maintenant, voici le temps du soir. On va s'aimer de la bonne façon. D'accord? Personne ne boufflera plus votre argent pour rien. Et maintenant, ce qui est curieux, c'est que ce qu'on bouffait là maintenant, ce qui va sortir, maintenant va dire non, beaucoup. Vous savez que le fait qu'on a tellement accidenté les chrétiens, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, tous ces problèmes doivent être résolus. Ok. Chapitre 2, verset 15. Maintenant, si un frère, écoutez bien, écoutez. Si un frère ou une soeur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour. Quelqu'un dit chaque jour. Chaque jour. Il dit, et que l'un d'entre vous leur dise, oh ma soeur, vous savez quand les pentecôtistes disent, Seigneur, que Dieu t'est béni, ma soeur, tu es béni. Jésus-Christ règne. Il est sur le trône. Il vit à jamais. Il est notre Dieu. Jésus-Christ règne. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, et que vous dites ça. Verset, il dit quoi? Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? Dis à ton voisin maintenant, regarde quelqu'un dans les yeux. Il dit que frère, je ne dis pas que tu ne dis pas que sois béni. Mais tant que tu as la bénédiction là, donne-moi directement. D'accord? Mais c'est la Bible qui pose la question. Tu as quelque chose à la maison, quelqu'un dans le besoin, tu dis que sois béni. Non, Dieu t'aime. Ça sert à quoi? Vous cessez, n'est-ce pas? Donne-lui la chose. Alors, en donnant la chose, tu as dit comme ça que tu es béni. D'accord? Et la personne, en recevant, tu as la bénédiction. Il veut que cette partie-ci de l'écriture que nous avons lue tout à l'heure, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, car dans notre intelligence, que afin que nous abonnions par nos fruits, Que les fruits abondent pour notre compte quand nous donnons. Que les fruits abondent pour notre compte. Puisque vous donnez plus de fruits abondent pour notre compte. Gardez ceci à l'esprit. Donc vous avez intérêt à produire davantage de fruits pour vous-même. Et ça, c'est en pourvoyant aux besoins des saints. D'accord, bien-aimé? Après ça, on va prendre 15 minutes, vous allez causer entre vous. 15 minutes. Durant ces 15 minutes, si ce n'est pas 15 minutes de pause pour manger, vous causez entre vous. Pourquoi si vous avez des problèmes, si Dieu vous met à cœur de poser un problème à quelqu'un ou bien de donner quelque chose à quelqu'un, vous le faites maintenant. D'accord? Et que ce soit, ce n'est pas seulement ici, que ce soit un style de vie. D'accord, bien-aimé? Ok, donc, il dit, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, en fait, frère, beaucoup de chrétiens se trompent dans leur vie chrétienne. Dieu a tellement rendu la chose simple. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, le verset 35, c'est assis tous reconnaissant que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Vous dites, l'amour, c'est que mon frère, salut moi, je t'aime. Tu dis, c'est ça l'amour. Mon frère, je t'aime. Dis que je t'aime. Mon frère, donnez-vous la paix, dans la paix. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Vous savez, la personne qui écrit, remarquez seulement les écrits et voyez comment quand il conclut, quand il y a paix. Quand il commence, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni, tous soient bénédictions spirituelles dans les célestes. Il finit de faire ça. Toi, tu salues, tu dis que je te donne la paix. La paix. Tu donnes la paix comme ça, que le cœur est enflé. À la maison, il y a le poulet. Celui-ci n'a pas mangé depuis 3 jours. Tu dis que la personne part en paix. Que recevez ma paix, je vous donne ma paix. Quelle paix? Celui qui parle, vous allez en robe blanche, sa table est gagnée là-bas, les noms ont déjà préparé. Les gens sont là qui vont sortir, ils ne vont pas avoir à manger. Et ces personnes qui sont là, qui n'ont pas à manger, on peut le transporter, garder 100 francs pour donner. Lui, il vient de régimer même contre ces 100 francs-là. Après, il dit, allez avec ma paix. Avec sa malédiction, il veut dire. Donc, il faut qu'on serve à la manière de Dieu. Vous savez, frère, j'espère que vous comprenez. De toutes les façons, on ne vous supplie pas. N'allez pas à l'hébiscrite dire que j'ai mon argent, c'est que regardez, c'est que vous n'avez pas pour garder de l'argent. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a les vigiles là-bas. Pas vrai? Vous n'avez pas ouvert un compte à l'hébiscrite. Après un certain moment, vous venez que non, j'ai gardé mon argent, donnez-moi votre argent. Vous savez, vous balancez par la fenêtre comme ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand dit à ton voisin, si tu ne sèmes pas dans le compte, ton compte qui est en haut. Si tu ne sèmes pas dans ton compte qui est en haut. N'espère pas récolter. N'espère pas récolter. Voilà. Donc, c'est ce principe-là qui est réitéré dans Galates chapitre 6, le verset 7. Il a dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si quelqu'un sème pour sa chair, il moissonnera de sa chair la corruption. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, quand tu as touché ton argent, tu dis non, non, non, il faut que tu sois frais, sois à l'amour. Pointinini. Oh, il n'y a pas de problème. Soigne ta chair. Pourtant, l'injonction du Saint-Esprit dans Romains chapitre 13, verset 13, c'est que n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La luxure, éloignez-le de cela. Donc, tout ce que tu dépenses pour le luxe, sache que tu es en train d'augmenter comme ça les puanter sur ta mort. C'est la Bible qui dit. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie. Voilà pourquoi, justement, que les chrétiens sont accommodés avec le monde, c'est qu'il n'y a plus de persécution. Pourquoi? Parce qu'on est identique au monde. Quand on en a, plus on en avance, vous allez commencer à voir. Vous êtes comme ça à voir. Attendez qu'on entre dans le genou, parce que tu as joué entre les gens comme ça. Vous êtes comme ça à voir. Comment tu es devenu comme le singe comme ça? Vous allez commencer à comprendre le ministère chrétien. Avançons seulement, d'accord? Vos jours, l'allégresse vont finir. Je vous dis, avançons. Vous dites, vous attendez le réveil. Donc, ça se passe sur la chaîne, on t'a vu, on attend le réveil. Vous attendez le réveil comme ça. Attendez que le Saint-Esprit impose les jeunes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Écoutez bien. Il n'y a pas le réveil sans brisement de cœur, sans séparation. Les deux choses doivent être accomplies. Les cœurs doivent être brisés. C'est-à-dire que les cœurs doivent être préparés et il doit y avoir séparation. On doit mourir pour quelque chose. Mourir à quelque chose. Et en ce temps-là, quand on meurt à quelque chose, le moment est propice pour que le Saint-Esprit puisse venir. Quelqu'un reste comme ça, il y a l'essence de la chair à la maison. Au congélateur, il y a le nolin, il y a le mbunga avec le sac de riz là-bas. Il dit, frère, nous attendons le réveil. Nous attendons le réveil. Tu ferais mieux de continuer à dormir. Parcourir l'histoire du réveil et observer les cœurs au travers lesquels les réveils sont passés et observer les conséquences. 21e siècle, quelqu'un a 4 congélateurs à la maison, 3 voitures au parking, il a 4 maisons, 3 femmes en France, l'autre ici. Il dit qu'on attend le réveil, ça c'est pas du Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Saint. Donc avançons, avançons seulement. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Donc je te montrerai la foi, ma foi, par les œuvres. Donc, parce que la foi n'est pas palpable. Le vent n'est pas palpable. Observez, c'est avant de observer, observez l'arbre, observez. Vous voyez, les feuilles sont en train de bouger, preuve que le vent est en train de passer. Frère, je n'ai pas te montrer que voici le vent. Je vois le vent par ses effets. Ainsi, la foi, tu ne peux pas voir la foi. Quand quelqu'un agit, tu sais que voici quelqu'un de foi. C'est pour ça qu'il a posé la question dès le départ. Si quelqu'un a de la nourriture et le vêtement, quelqu'un manque de la nourriture et des vêtements, et elle est nue, et vous lui dites que voilà, que Dieu te bénisse, et que vous ne lui donnez pas ces choses, et votre foi là, c'est déjà de foi. C'est la foi morte. Morte. Amen. Il dit donc, montre-moi ta foi. Non, j'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Quand ça? En 1944, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Un prochain évangile, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Oui. Ta mère est en train de mourir à la maison, tu prends l'argent pour aller donner au pasteur. Ta mère meurt à la maison de maladie. Il faut des médicaments. Tu prends l'argent pour aller donner au pasteur. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'apporter à la maison des trésors, toutes les offrandes et les dîmes. Et Jésus dit que vous avez mis des fardeaux sur les têtes des gens. Vous avez dit que c'est que l'offrande que l'assistant que j'aurais fait à mes parents est corban. Vous empêchez comme ça de faire ce qui était écrit pour son parent. Ça se trouve dans l'église aujourd'hui. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa propre maison, il a régné la foi. Il est plus qu'un infidèle. Vous entendez ça, frère? L'église est malade. Pourtant, c'est une église glorieuse qui va en sortir. Pourtant, c'est une église glorieuse qui va en sortir. L'église de cette époque qui en est sortie, c'est pour ça que Dieu a nous préparé comme ça. Votre capacité à vous débarrassera du matériel, ce sera votre sensibilité le plus proche du Saint-Esprit. Ce sera comme ça là. C'est-à-dire que votre capacité à vous débarrasser facilement du matériel. Si le matériel a de l'emprise sur vous, si vous êtes proche comme ça, ça vous fait mal. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ça fait monsieur au Saint-Esprit de venir vers vous. Mm-hmm. 1 Jean chapitre 3. Avançons seulement devant directement. Pendant qu'on sera dans 1 Jean, je vais vous donner encore un verset par rapport à, au deuxième type d'offrande. D'accord? Je suis en train de lire 1 Jean. Alors, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Je vais lire cela parce que dans le livre de Jacques, si on a parlé de quelque chose, donc lisons 1 Jean au chapitre 3. Donc, la question, c'est à la fin. Donc, gardez-le. 1 Jean chapitre 3, d'accord? Lisons à partir du verset 15. Regardez, le verset 15. Vous, tout le monde est là, il peut lire maintenant. 1 Jean chapitre 3, du verset 15 jusqu'au verset 22. Regardez. Quiconque est son frère est un. Maintenant, je vais d'abord m'arrêter là-bas. Regardez-moi bien maintenant. Demande à quelqu'un si tu m'aimes. Demande à quelqu'un à côté de toi s'il t'aime. Je vais. Vous savez pourquoi il pose cette question, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, il n'y a que deux positions. Ou bien tu aimes, ou bien tu n'aimes pas. Quand tu dis à quelqu'un tu m'aimes, tu dis non, non, non, je te déteste pas, on n'a pas de problème. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous pouvez avoir des problèmes, mais vous vous aimez. Ça se comprend. Le problème ne fait pas que les gens ne s'aiment pas. À aimer, c'est une chose. Aimer est indépendamment des problèmes. Par exemple, un homme et une femme ont des problèmes à la maison. Parce que la femme fait, il part dans l'autre chambre. Mais là-bas, l'amour est lui comme ça, la force. Pas vrai, frère? Déjà, ton voisin, le problème n'est pas la haine. Le problème n'est pas la haine. Voilà. Bien que le problème peut être cause de haine. Mais je dis ceci. Soit tu aimes, soit tu hais. On est d'accord? Il se pourrait donc maintenant que la Bible déclare que cet amour-là, si tu l'as, il faut que ce soit prouvé. Si ce n'est pas une preuve, ça veut dire que c'est un faux amour. Donc, tu fais vraiment quoi? Donc, tu es un? Lisons encore. Verset 15. Il a dit, quiconque est son frère est un? Vous avez entendu? Vous savez combien de frères, combien de soeurs vous avez tués ici par rapport à le fait que vous avez refusé des choses? C'est ça, frère. Combien de personnes as-tu tué? C'est-à-dire que tu as de l'argent comme ça. Vous faites des choses iniques avec, alors que ces choses-là pourraient être une source de bénédiction pour l'autre. Combien de personnes... Regardez, une Bible comme ça, 5 000 francs. Quelqu'un prend comme ça 45 000 francs, il achète une bouteille de whisky. Ça fait 45 000 francs, ça fait combien de 5 000 francs dedans? 9. Ça fait 9 Bibles. Et la Bible dit que celui qui s'aimera pour sa chair moissonnera de la corruption, la mort. La Bible dit que celui qui s'aime, le volet souvent dit que celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Une bouteille de whisky, cette bouteille de whisky est destinée pour détruire son oesophage et les intestins et puis et tout le cerveau. C'est ça qu'il achète pour détruire. Et si ça donne la vie, non seulement ça donne la vie à beaucoup de générations. Un seul livre, quelqu'un peut prendre comme ça et lire et passe à une autre, la personne lit, ça donne des vies de façon indéfinie. à cause de 45 000 francs. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare que quiconque hait son frère est un meurtrier, comme bien des personnes avant nous tuer sans verser le sang. Donc nous sommes des tueurs silencieux. Donc les chrétiens modernes sont des tueurs silencieux. Le simple fait que tu fermes tes entrailles pour ne pas répondre aux besoins de quelqu'un, tu es un meurtrier, dit la Bible. Donc il ne s'agit pas d'aller avorter ou tuer l'enfant. Ouais. Non, non, ce n'est pas de ça dont il est question. Donc tu tues de façon silencieuse. Parce que tu as fermé tes entrailles, la miséricorde à quelqu'un. Regardez. Il dit, et vous savez que qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en. Donc ça touche donc ce que je viens de dire, c'est que quelqu'un peut croire qu'il croit alors qu'il ne croit pas. Parce que tu crois de la bonne façon, la vie éternelle a été en toi. Ça implique l'amour, la pratique de cet amour. Vraiment, il faut qu'on naisse de nouveau. C'est-à-dire que si quelqu'un était né de nouveau de la bonne, de la mauvaise façon, il faut qu'il naisse de nouveau, de nouveau. C'est, n'est-ce pas? Il faut qu'on naisse de nouveau. Je ne parle pas de la conviction que non, Jésus est le Seigneur. Il est moi à la fois. Nous savons que ce n'est pas ça qu'on nous questionne. La nouvelle naissance, c'est la vie de Christ venant habitant dans un tabernacle humain. C'est ça. Né de l'esprit. C'est ça dont il est question. Et cette vie de l'esprit, souvenez-vous de Romains chapitre 15 que nous avons lu aujourd'hui. Il a dit que l'esprit, l'amour de l'esprit. Vous avez parlé, il a parlé de l'amour de l'esprit. Si le Saint-Esprit vient habiter là-bas, on dit que c'est le Saint-Esprit vient avec l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et quelqu'un qui a l'amour de Dieu sur son cœur, il va comprendre comme ici dans 1 Corinthiens, dans 1 Jean chapitre 4, dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas celui qui est né de lui? Vous entendez ça, frère? Nous entendons. Vous boudez seulement, ou c'est comment? Et de toute façon, même si vous boudez, il n'y a pas de problème. C'est, vous avez la Bible devant vous, on est en train de lire. Mon rôle, c'est seulement de lire tel que c'est écrit à là-bas d'ouvrir et le laisser parler. Vous avez un rôle à jouer. Souvenez-vous encore une fois de plus. Ne pensez pas que c'est à l'avantage de la personne qui reçoit. C'est votre avantage. Souvenez-vous de cela. Partout, vous allez voir ce principe dans la Bible, c'est à l'avantage de la personne qui donne, pas à l'avantage de la personne qui reçoit. Donc, vous devez même prier Dieu que Seigneur, quand il nous donne, s'il te plaît, ma soeur, prend. Donc, vous devez supplier un pauvre de prendre votre bénédiction. De prendre ce que vous offrez. Vous devrez le faire. C'est frère. Continuons. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, voici la preuve que nous avons connu l'amour de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Donc, son amour a été prouvé. C'était palpable. Comment Christ même? Il t'aime. Comme tu ne sais pas combien il t'aime, il est allé à la croix pour toi. Voilà la preuve. La preuve ultime. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est pas ce qu'il a dit pour ses amis. N'as-tu pas dit ça, frère? Regardons. Il dit, nous aussi, regardez bien. Regardez le deuxième volet de ce verset 16. Je recommence encore. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a mis pour Jésus, n'est-ce pas? A donné sa vie pour nous. Regardez bien l'implication directe pour chaque chrétien. Nous aussi, dis à ton voisin, nous aussi. Voilà, regardez bien. Nous devons. Faire quoi, frère? Vous avez entendu ce qui est écrit? Vous avez entendu ce qui est écrit dans la Bible, frère? Jésus ne dit pas que chacun est à la croix. Il ne dit pas que quelqu'un va tuer, on tue un meurtrier, on veut tuer un bandit parce qu'il a volé la route. Tu dis que non, tu es malade. On devrait te tuer. C'est pas ça qu'il a déparlé. C'est pas ça dont il a déparlé. D'accord? Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix a été une fois pour toutes pour nous acquitter de tous les péchés, y compris même le bandit qu'on avait tué. Il a dû parler ici de la responsabilité de prouver notre amour dans la vie des frères. C'est dans ce qu'il a dû parler. En fait, en bas, vous allez voir. Il dit que comme Jésus a donné sa vie là, nous devons donner nos vies aussi pour les frères. Frères, c'est la même chose que vous comprenez. Lorsque nous lisons, nous comprenons comme ça, nous comprenons que quoi? Quand on finit de comprendre ici, après on sort, on ne comprend plus rien. Il dit nous, regardez bien encore le mot là-bas. Le mot c'est quoi? Le verbe devoir. Vous y êtes? C'est un commandement ou c'est un commandement? Je pose la question, c'est un commandement ou bien c'est un commandement? N'est-ce pas, frère? Mettons le doigt là-bas, allons dans Galates au chapitre 6. Galates, le chapitre 6. Mettons le doigt, on va y revenir là maintenant. Galates, chapitre 6. On n'a pas encore commencé, hein? Ils sont en train de mettre seulement des bases encore une fois, puis on va encore entrer dans le message maintenant aujourd'hui. La suite même de la continuation. Galates, chapitre 6, tu y es? Galates, chapitre 6, ici. Galates chapitre 6, le verset 2. À votre frère. Portez les fardeaux les uns des autres. Oui. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Vous avez entendu, Sarah? Qu'on fasse quoi, frère? On porte les fardeaux les uns. C'est-à-dire que le fardeau, c'est quelque chose qui pèse. D'accord? C'est ce qu'il en a dit dans ces 1 Jean chapitre 3, le verset 16, la partie B. Il dit portez les fardeaux les uns les autres. Et si on porte les fardeaux les uns les autres, donc ça veut dire que s'il y a un problème en milieu de nous, on se supporte. C'est, ça, c'est ce que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 20 à 21, où il dit, et si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous sont honorés. C'est volé là, si un membre est honoré, tous sont honorés, milieu chrétien, c'est grave seulement. Si il veut parler seulement de cet aspect. Quand quelqu'un a son problème, tu entends seulement l'assemblée d'Allah, bah, bah, bah, tes problèmes, frère, prie pour moi, frère, prie pour moi. Le jour le problème est résolu parce que c'est quelque chose de bénédiction qui entre. La personne se manque calme dans son coin. La personne se manque calme dans son coin. C'était comment? Ah non, non, j'avais oublié, t'es dit, mais 500 000 là, il m'avait donné. La Bible déclare que si un membre souffre, tout souffre ensemble. Si un est honoré, tous sont honorés. Donc on sait seulement que tu bombardes la prière, intercède pour moi, intercède pour moi, il m'en va en France, on va donner mon argent. Si on donne mon argent, laisse. Quand l'argent entre, d'abord l'église, c'est bon pour. Ouais, ça frère. Donc c'est ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Quand c'est mauvais en milieu de nous, on est ensemble. Quand c'est bon, on est ensemble. Dis à ton voisin, si c'est bon, je compte sur toi. Si c'est mauvais, compte sur moi. Donc il dit dans ce Galates chapitre 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns les autres. Donc ton fardeau, je dois t'alléger. Tu dois m'alléger, je dois t'alléger. Il dit, regardez bien l'implication, frère. Le thème central du ministère chrétien, c'est l'amour. Le thème central et majeur du Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour les incrédules. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Donc l'amour, c'est le point principal et central du Nouveau Testament. Et ici donc, il dit donc que si vous faites ces choses, c'est important les fardeaux les uns les autres, vous accomplirez la loi de Christ. Et Dieu, Christ n'a pas deux lois, c'est l'amour. D'accord? Vous accomplirez la loi de Christ. Jacques appelle ça dans le livre de Jacques au chapitre 2, là au verset 10, il parle de la loi royale. Jacques appelle ça la loi royale. Non pas ça. La loi qui règne sur tout autre. Donc, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, que de ces commandements-là dépend toute la loi et les prophètes. La loi royale. Et donc, si tu portes les fardeaux les uns, si nous portons les fardeaux les uns les autres, et nous accomplissons comme ça la loi de Christ. Donc, la loi de Christ, ça veut dire l'amour, j'aime ton voisin, ça veut dire que frère, je t'aime. Ce n'est pas ça, oh. Déjà, ton voisin, cesse le bavardage. Déjà, à compter d'aujourd'hui. Je veux beaucoup plus de preuves que les bavardages. Donc, là où vous êtes, avant d'aller dire encore à quelqu'un que je t'aime, donne d'abord quelque chose au moins 3 fois. Avant de lui dire encore la prochaine fois que mon frère je t'aime, il va dire que non, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Si Christ était resté avant, il dit qu'il nous aime, alors qu'on est en train d'être tourmenté par le péché, tu aurais accepté cela. Il est venu, il a payé le prix, ça soit maintenant. Quand il se présente à toi, dit que je t'aime. Pour dire que normalement, tu n'as pas besoin de faire cela. Je t'aime. D'accord, bien-aimé? L'expression de l'amour. L'amour est prouvé. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu prouvé. Il dit dans ce Galates chapitre 6, remarquez très bien, Galates chapitre 6, ne manquez pas cela et gardez ceci à l'esprit. Galates chapitre 6, verset 2. Il dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Et en faisant ça, vous accomplirez comme ça la loi de Christ. Ce qui est écrit, quand on enseigne 1 Jean chapitre 3, verset 16, regardez bien. Verset 17 maintenant commence à toucher maintenant la profondeur. On y va. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde. Donc c'est écrit tellement en langage simple pour que quelqu'un ne dise pas que c'est les paraboles. Dis à ton voisin, les paraboles c'est dans l'évangile. Ça c'est la vie pratique normale de l'église. Voilà. Donc, il faut que quelqu'un vienne dire que non, bien là, bien du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien du monde. Il n'y a pas d'interprétation particulière, c'est bien du monde. Donc, notre dans bien du monde, maison, voiture, n'importe quoi que tu peux avoir. Que ce soit le bien de ce monde-ci, c'est ça dont on parle. Il dit donc, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Le Saint-Esprit pose la question. comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment tu peux dire que tu aimes? Comment tu peux dire que toi tu aimes Dieu? Vous y êtes bien aimé? Il dit comment l'amour de Dieu? C'est-à-dire que le test de notre amour pour Dieu, le trait des jauges, c'est savoir comment tu peux te débarrasser facilement du matériel pour l'autre. C'est le Saint-Esprit qui a dit là. Il dit, l'être humain, les chrétiens, si tu dis que tu es chrétien, souvenez-vous déjà, on a commencé au chapitre 2, la verset 14 à suivant. Il dit que la foi sans les œuvres est morte. Quelqu'un me dira, montre-moi ta foi sans les œuvres et te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Observez là, mes chers amis, regardez bien. Ici, le Saint-Esprit dit que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, donc autrement dit, cette personne qui a les biens est solution pour celui-là devant. Proverbe, dans le livre de Proverbes, il dit que ne dis pas à quelqu'un, je te donnerai à demain, quand tu as l'occasion de le faire aujourd'hui. C'est ce que lui déclare. Donc quand tu as l'occasion de résoudre le problème maintenant, tu dois résoudre. Alors maintenant, il dit ici que si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. La Saint-Esprit pose la question, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le Saint-Esprit vient de dire ici que la preuve que tu aimes Dieu est liée directement à ton aptitude à séparer les biens matériels pour l'autre. À te séparer de tes biens matériels en faveur de l'autre, pour l'autre. Donc, plus tu vas te séparer facilement pour donner à quelqu'un, plus tu aimes Dieu. Ce que Dieu avait le plus précieux, il a utilisé aussi pour venir pour mourir pour nous. N'est-ce pas une preuve d'amour, frère? Alors, je recommence encore. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? La preuve que l'amour de Dieu demeure en toi. Donc, chacun peut se tester. Mon cher ami, voilà pourquoi c'est le miroir. Chacun peut se tester. Comme la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 là, que examinez-vous vous-même. Chacun peut s'examiner, alors qu'on en a parlé maintenant, par rapport à ces versets, c'est pour savoir si oui ou non il aime Dieu. Depuis que tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as dépensé sur l'autre? Cette réponse va te permettre de savoir à quel niveau tu es par rapport à l'amour de Dieu. Si quelqu'un possède des biens de ce monde-ci, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Vous savez ce qu'il lui ferme ses entrailles, n'est-ce pas? Il dit comment l'amour de Dieu demeure en lui. Imaginez les anciens de l'église qui hébergent un chrétien et que le chrétien est censé dormir avec les chiens. Imaginez cela. Dormir au garage et qu'il y a des chambres vides. Imaginez un chrétien. Même pas un être humain. Un chrétien. C'est-à-dire que son frère. Donc, ça veut dire que c'est une partie de Christ qui dort comme ça dans le garage. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Imaginez des choses qu'on puisse faire dans l'église du Seigneur. C'est même Jacques, si au chapitre 2, à partir du verset 1, on parle de que notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Vous entendez ça, frère? Donc, le niveau social, le niveau intellectuel, le niveau scolaire n'a pas sa place dans le corps de Christ. Ça n'a pas sa place. Que tu aies la maîtrise, doctorat, professorat ou n'importe quel aura qu'il puisse y avoir encore en Christ, c'est la Bible qui est la règle de l'égalité. C'est frère? Donc il dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde, c'est que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comprenez ceci. Le Saint-Esprit nous invite ici à passer au test de l'amour de Dieu. Dis à ton voisin, aimes-tu Dieu? Aime-tu Dieu? Combien as-tu fermé tes entrailles des miséricordes? Demande à ton voisin. Alors qu'on a de parler comme ça, il y a des gens, des femmes qui ont des chaussures à la maison fatiguées. Des frères qui ont des séries de vestes, que si même le matin, ils se lèvent, ils cherchent même une veste qu'ils vont porter. C'est pas qu'il n'a plus de veste, c'est que le choix le dérange. D'autres, des tennis. C'est Nike, chaque Nike, les différences, les que vous pouvez se tester à la maison. Et les frères, c'est un frère. Tu entends un frère porte sa tenue, tu crois que c'est la tenue des chrétiens, alors que c'est parce qu'il n'a pas. C'est-à-dire quand tu le vois chaque fois, tu vas avoir la même tenue. Pas que c'est pas la tenue des chrétiens. Ce n'est que ce qu'il a. Alors tu es invité à s'aimer. Maintenant, verset 18, regardez. Petits enfants. Regardez bien. Petits enfants. N'aimons pas en parole. Vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc dis à ton voisin, la Bible dit que c'est ton bab. Passe à l'acte. Ce que la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Oh, ma soeur, je t'aime. Hein? Je t'aime. Oui, je t'aime. Il dit, laisse ça. Dis à ton voisin, laisse ça. Prouve. Voilà. Regardez, regardez. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec quoi? Mais en... Et... C'est le Nouveau Testament là maintenant, mes chers amis. Depuis, je ne suis pas encore dans l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas l'Ancien Testament, vous allez dire que c'est l'Ancien. C'est le Nouveau Testament, c'est le principe qui gouverne le Nouveau Testament ici. Ne vous inquiétez pas, on va toucher, on va balayer tous les épîtres, vous allez voir ce même principe. Allons dans 1 Thessaloniciens déjà, 1 Thessaloniciens, avant de revenir à 1 Jean. Dans 2 Jean, on va revenir à 2 Jean. Donc, mettez le doigt là-bas rapidement. Mettez le doigt dans 2 Jean. Et puis on va dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Donc, on va revenir dans le livre de 2 Jean là. Dans le livre de 2 Jean, comme c'est proche. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé. C'est vrai que c'est plus facile de dire amen que de sortir 200 000 francs de main à quelqu'un. Mais ça va sortir. Mm-hmm. Mon souhait, c'est que Dieu nous donne un cœur à obéir à sa parole. Pour que si quelqu'un a de l'argent caché, il sort pour donner au frère. Si quelqu'un a 2 terrains, il vend vraiment un terrain pour donner à un frère. Ou bien donne à une soeur ou à un frère qui n'a pas de terrain. Que mon frère, ma soeur, voici le terrain. Si quelqu'un a 2 voitures, il prend la clé de l'autre voiture. Il dit que frère, toi qui es dans le besoin, voici la voiture pour toi. Et il ne veut pas que chaque fois vous dites, tu as fait quoi de la voiture là? Tu as gâté la voiture, pasteur. Vous savez, le cœur est toujours attaché là-bas. Je vous dis, vrai, les dénominations ne sont pas prêtes à soutenir, à recevoir ceci. Ce n'est pas prêt. Parce que ceci, ça enlève la nourriture dans la bouche des pasteurs et ça remet dans la bouche des frères et sœurs normalement. Parce que les pasteurs doivent vivre selon la foi. C'est ça qu'on n'aime pas. On vit dans la foi, dans la poche de ceux qui sont là. La foi dans la poche, donc la foi dans la poche. Quand vous semez, faites 2 semaines que l'argent n'entre pas et que le bailleur le menace à la maison. La prédication, c'est toujours sur le front dans les prochaines semaines. N'est-ce pas, frère? Il ne faut pas que ça soit ainsi. Donc, 1 Thessaloniciens, vous y êtes. Chapitre 1, regardons. Il veut lire à partir du verset 2 pour que vous compreniez ce que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens. Souvenez-vous, lorsqu'il a parlé aux Philippiens, il a dit qu'il était à Thessalonique. Gardez ceci à l'esprit parce que c'est très important. Lorsque nous avons lu Philippiens tout à l'heure, les Philippiens, il félicitait les Philippiens parce que les Philippiens se sont imposés contre eux en sa faveur. Il a dit qu'on a fait ça 2 fois alors qu'il était dans la ville de Thessalonique. Vous y êtes? Ok, observez maintenant ce qu'il lui dit des Thessaloniciens. Regardez, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse. 1. 2. 3. Devant Dieu notre Père. Vous avez vu ce que les Thessaloniciens avaient? Ils avaient les 3 piliers de la foi inébranlable dans la vie chrétienne. Les 3. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, où on parle des dons spirituels, enfin, on parle des différents dons spirituels, on a dit au verset 8 là-bas que la prophétie va cesser, la langue va s'arrêter, mais l'amour ne périt jamais, la charité ne périt jamais. Après, il va dire que 3 choses demeurent au verset 13. La charité, la foi et l'espérance. Mais le plus grand, c'est quoi? La charité, donc l'amour. Donc, l'apôtre Paul dit donc ici là que il rend grâce continuellement à Dieu pour les Thessaloniciens. Parce que quoi? Il dit quoi? Nous rappelons sans cesse. Donc, quand il reste comme ça, chaque fois, il se souvient des Thessaloniciens. Ça les dépasse. Nous rappelons sans cesse. Quand on dit quand quelqu'un se rappelle, ça suppose que ça lui revient en mémoire. Ça revient en mémoire. La vie spirituelle des Thessaloniciens revient dans leur mémoire. Ils sont étonnés que les Thessaloniciens, les Corinthiens ont les dons spirituels. Ils se créent des problèmes avec. Ceux-ci ont pris exactement ce qui ne doit pas périr, ce qui ne doit pas disparaître. Ils avaient cela avec eux. Regardez, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Remarquez très bien, dans 1 Corinthiens chapitre 13, je veux que vous compreniez bien des choses, si frère. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on a dit que la foi demeure, la charité demeure, l'espérance demeure. Or, Jacques nous a dit clairement que la foi ne peut pas être seule, ça doit être prouvé, ça doit être accompagné des œuvres. Si cette foi est seule, ça doit mourir. Comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est disposer dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel. Si nous l'acceptons, nous nous accaparons de cela, ça doit se manifester par des preuves palpables. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors maintenant, ils disent ici là que c'est l'œuvre de leur foi dont ils se rappellent. Parce qu'ils ne peuvent pas voir la foi, se rappeler de la foi. Il n'a pas dit qu'ils se rappellent de la foi. Ils disent qu'ils se la rappellent de l'œuvre de la foi. Ce que la foi a produit. Ce que la foi a produit, la manifestation de leur foi. Donc la foi était prouvée là-bas chez les Thessaloniciens. On y va? Ils disent le travail de votre charité. Il n'est pas dit seulement la charité, il le travail. Donc la charité se manifeste, s'est manifestée. D'accord? Donc les trois choses, ce n'est pas l'espérance à n'importe quoi. Ils n'ont pas espoir que leur vie va réussir. C'est l'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Où est-elle là, n'est-ce pas? Donc les Thessaloniciens avec ce que tous les chrétiens du monde entier sont à la recherche. Ils avaient. Alors pas maintenant, regardons bien maintenant. Regardez. Verset 6. Regardez. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un quoi? Un modèle pour qui? Vous avez vu l'implication de ces gens-ci? Dans leur vie, les autres églises copiaient la marche chrétienne de chez eux. Vous y êtes, n'est-ce pas? Donc, d'autres chrétiens copiaient là-bas. Il dit, en sorte que vous êtes devenus les modèles des chrétiens pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Souvenez-vous, Thessalonique, c'est la capitale de la Macédoine, comme Douala est la capitale du littoral. Donc on dit donc que les chrétiens du littoral, si on transporte ici, les chrétiens du littoral, avec l'œuvre de la foi, ils avaient le travail de la charité et l'espérance à le Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que les autres chrétiens qui étaient dans le littoral voulaient copier les chrétiens du Douala. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que si nous sortons d'ici pour aller faire des campagnes d'évangélisation dans les villages, c'est que les sœurs sont en sexe, de telle sorte qu'ils vont contaminer les villageois. Voilà l'œuvre de la foi des chrétiens du Douala. Quand il y a campagne de vengeance, les sœurs sont en sexy pour mettre les païens mal à l'aise. Je me souviens de cette fille avec qui on était sorti pour aller prêcher. Lorsqu'on avait, je venais d'être converti, on sortait, on partait évangéliser. Je suis allé dans un carrefour. Je me suis assis, elle avait les brochures qu'elle donnait. À côté là, il y avait un bar quelque part. Ils ont pêché un gars là. Le gars était géant. La fille était petite comme ça là. Le pied était au sol comme ça là. Il y avait un petit pays qui jouait dans le bar. Petit pays, 20 ans, 40 ans. Elle était ici en devant. C'est le chrétien, hein? Le chrétien était, j'observais. Le mondain qui était devant lui, à qui il remettait la brochure, le mondain était étonné. Le mondain, lui, ne chantait pas petit pays. Celle qui évangélisait avec la brochure qui donnait à l'incroyant. L'incroyant était étonné de la brochure et de la musique qui passait. La musique avait l'emprise sur elle. Le mondain était que c'était l'église sous-pâte. Ah, vous parlez. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tu lui dis maintenant à cette sœur-là que les petits, il y a quoi de mal à ça? Ça me donne la mener. C'est quelle église que l'église soit contente. Et voilà nos chrétiens. Donc, il dit ceux-ci de Thessalonique, leur foi était renommée. Ils étaient devenus le modèle pour tous les croyants. On n'a pas dit pour certains croyants. On a dit pour tous les croyants. Ça veut dire que chaque église dans la Macédoine et dans la Caïe voudrait vivre. Donc Dieu avait donné les Thessaloniciens comme le modèle pour qu'on puisse vivre. Les Thessaloniciens. Maintenant, observons ce qui va arriver. Vous y êtes. Regardez. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en qui? En Dieu s'est fait connaître en tous lieux de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte comment vous êtes convertis en abandonnant à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc leur foi en Dieu a été prouvée du fait qu'ils ont vraiment quitté un camp à un autre. Ça a été prouvé. Donc il y a une séparation. Il y a une séparation entre eux et quelque chose. Donc ça a été prouvé. Donc on connaissait que les Thessaloniciens, parce que vous savez, ce sont les Grecs. Ils avaient tellement des statues, tellement des idoles. Aujourd'hui, on a des idoles invitées à la maison. Les grosses croix de Marie, c'est les palmes qu'on a mis dans l'eau, les pipis, des démons sur ça. Rentrons dans notre deux gens. Pendant que vous rentrez, regardez le doigt dans cette intercession. On finit là-bas et on part en deux gens. Regardez. Allons au chapitre 4. Chapitre 4, verset chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Finissons là rapidement, pas pour qu'on ne revienne on rentre. 1 Thessaloniciens maintenant, chapitre 4. Souvenez-vous des trois piliers que eux, ils avaient, n'est-ce pas? Ils avaient l'œuvre de la foi. Donc leur foi était prouvée. Ils avaient le travail de la charité. Le travail de la charité et l'espérance au glorieux Seigneur Jésus-Christ. On y va? Donc maintenant, chapitre 4. Regardons. Souvenez-vous des personnes qu'on a parlé. On dit que ces personnes-ci étaient devenues donc maintenant des modèles. Des quoi? Des modèles. Maintenant, regardez. Verset 9, à partir du verset 9 du chapitre 4, regardez. Pour ce qui est de l'amour, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns. Vous voyez ce que l'église était? Vous avez vu? À titre, à Crète, il a dit qu'il faut que les nôtres apprennent à faire. Ici, il dit que vous avez appris directement de Dieu. Donc, ceux-ci avaient là transcendé cette dimension-là. Donc, ceux-ci, ils avaient une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul dit que, il n'a pas dit que vous avez appris de nous, il a dit que vous avez appris vous-même de Dieu. Donc, l'église de Thessalonique avait une grande réputation d'être en connexion avec le Saint-Esprit. De telle enseigne qu'ils avaient la source même de l'amour. Et regardons la preuve. Regardez, verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les. Vous y avez l'espoir. Il dit précédemment que vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et puis il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Vous avez vu? Donc, ceux des doigts là, ils avaient appris comment s'aimer les uns les autres. Et ils étendaient ça dans tout le littoral. Frère, c'est terrible. Il dit qu'ils aimaient les frères. Donc, cet amour. Est-ce qu'ils partaient partout pour dire que non, nous vous aimons? Saluez les gens de nous, nous vous aimons. C'est ça, frère. Ils ne prouvaient pas vrai. On va dire le travail de la charité. Regardez le suivant. Il dit, mais nous vous exhortons, frère, à abonder toujours plus dans cette. Donc, on ne leur demandait pas d'apprendre à pratiquer. Ils avaient déjà, ils les pratiquaient. On disait seulement qu'ils continuent. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un niveau standard pour s'arrêter au niveau de l'amour tant qu'on n'est pas dans la chair, comme par rapport à la sainteté. Voilà, n'est-ce pas? Celui qui est saint doit davantage grandir dans la sainteté. Celui qui a l'amour pratique davantage. Regardez bien. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est-à-dire qu'en milieu chrétien, normalement, Dieu ne veut pas que les chrétiens fassent demander de l'aide aux païens. C'est ce qu'il a donné de dire. Vous y êtes? Donc, ça veut dire que ça, là, nos problèmes doivent se résoudre ici. Est-ce que je suis d'accord avec vous ou bien vous êtes d'accord avec moi? Ok, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour pratiquer la parole alors? Alors, dis à ton voisin, les matériels là, ça va faire mal. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas prendre ses vieilles habits que le cafard a mangé les cols. Vous venez de nous faire. C'est pas ça dont on est de parler. Souvenez-vous de la façon dont vous donnez, ça implique à qui vous donnez. Vous souvenez-vous que c'est là, c'est le corps de Christ que vous êtes en train de vous occuper là. C'est-à-dire que c'est la personne de Jésus. Quand l'apôtre Paul touche une sainte, Jésus répond à Oku, pourquoi tu me persécutes? Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous. L'apôtre Paul attrape Étienne. Il veut courir. Vrr, il dit que Saul, pourquoi me persécutes? Il n'a pas dit pourquoi tu me persécutes Étienne. Donc s'il porte un sale habit sur Étienne, il va dire que Saul, c'est l'habit que tu m'as donné pour ça. Pas vrai? Donc dis à ton voisin, fais attention. Ok, deux gens. Vous y êtes? Bon, allons-y dans trois gens et tous derrière. Prenons trois gens rapidement, lisons. C'est pour ajouter à la deuxième type de front, d'accord? Regardez. Troisième et puis des gens, y va. Il me demande bien sûr un peu plus haut. Trois gens, on y va. Je vais lire à partir du verset 1 parce que c'est pas beaucoup jusqu'au verset 6 ou 8 là. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Ici dans le troisième épître de Jean, à partir du verset 1. L'ancien Agaïus, tout le monde voit? Ok. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de toi. Voici le verset favori alors des pentecôtistes. Dans toute la prospérité. J'ai été fort réjoui, écoutez bien, j'ai été fort réjoui lorsque des frères, écoutez très bien là maintenant, souvenez-vous si vous lisez Romains au chapitre 16, vous prenez Romains au chapitre 16, le verset 23, on parle de cette Gaïus là-bas qui est l'hôte de Paul et de toute l'église. Donc chez Gaïus, il y avait l'assemblée qui se réunissait. D'accord? Alors on lui adresse donc une lettre. Et regardez, remarque bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai été fort réjoui. C'est l'ancien, c'est l'apôtre Jean qui écrit à cet ancien-là où il y avait l'église dans sa maison. D'accord? Il dit que, Jean dit que des frères ont traversé sa maison à Derbe. Parce que c'est Gaïus, il était à Derbe. Sa maison, c'était à Derbe, près de Corinthe. D'accord, mes bien-aimés? Il dit, Gaïus, sa maison, c'est à Derbe, près de Corinthe, une ville près de Corinthe. Donc, l'apôtre Jean écrit, il dit, des frères sont sortis de Derbe, de chez toi de Derbe, ils sont venus ici. Regardez bien. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Vous y êtes? Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour... Tu agis fidèlement pour ce que tu fais pour... Souligner. Souligner. Souligner. Regardez bien. Il dit, verset 5, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Fais ce que tu fais pour le frère. Donc, Gaïus faisait quelque chose, des choses pour des frères. Et même les gens qui passaient de façon itinéraire, qui passaient de façon, qui n'étaient pas permanents là-bas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il y avait l'assemblée dans sa maison. Frère, comprenez ces choses-ci. Comprenez seulement ces choses-ci. Donc, les chrétiens croyaient, ils ouvraient directement leur maison au Seigneur. Ça ne veut plus leur maison. Les gens pouvaient passer là-bas, les frères qui passaient pour aller quelque part, s'arrêter là-bas, communier ensemble. Les frères voyaient comment ils communiaient. Quand ils parlaient témoin à l'autre frère, que waouh! D'abord, il pose une question. Vous savez, quand vous connaissez au Maroc, il prend ce moment pour le cas du Maroc. Vous savez très bien que quelqu'un est venu du Maroc, il a communié avec nous, n'est-ce pas? Vous savez que vous l'avez impacté, parce qu'au Maroc, maintenant, c'est comme ça qu'il fait. Vous savez ça, frère? Vous savez? Et maintenant, un de ceux qui va encore venir, ça va voir que ça va encore augmenter le niveau. Il va encore aussi rentrer, va pour augmenter le niveau. Vous voyez à quel niveau on se trouve, n'est-ce pas? Il dit, Jean, les frères qui sont passés là-bas sont venus rendre témoignage à Jean que non, le frère Gaïus et la famille qui est dans sa maison. Il marche dans la vérité. Jean dit qu'il a été réjoui de comprendre qu'il marche dans la vérité avec les frères. Parce qu'il dit quoi? Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Qu'est-ce qu'il en a de dire? L'assemblée se réunit dans sa maison. Ce sont les frères normalement qui se réunissent dans sa maison. Mais d'autres frères qui d'une ville en autre, en passant par là-bas, sont d'autres frères étrangers. Ils viennent aussi là-bas. Ils constatent qu'il ne fait pas de différence entre ceux qui communient normalement là-bas et les frères qui sont itinéraires. Ce sont ces frères qui quittent maintenant pour aller rendre compte à Jean. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se voit pas? Non, non, non, non, toi tu es de full gospel. Moi je suis pentecôtiste. Non, chez nous, nous sommes des choses. Je suis des tels apôtres. Vous voyez l'église de notre époque? Alors comme tu es telle chose, je ne peux pas te donner, donne plutôt à telle. Vous voyez l'église de notre époque, frère? Vous voyez le mal que la dénomination a causé au corps du Seigneur? Vous voyez ça, frère? Regardez. Il dit, il agit de la même façon pour. Il agit fidèlement. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5 dit, c'est qu'on demande à chaque serviteur que chacun soit trouvé fidèle. Donc Dieu ne doit pas regarder combien de prières tu as prêché. Jamais. C'est que, est-ce que tu as été fidèle à ce que tu faisais? Regardez, frère. Et maintenant, voilà ce qu'il dit. Lesquels ont rendu témoignage de ta. De quoi? Voilà. Dis à ton voisin encore, la charité, c'est pratique. La charité est travaillée. Donc vous voyez très bien que les chrétiens sont passés dans sa maison. Le frère les a reçus d'une certaine façon. Peut-être l'a prouvé au voyage comme on a vu dans Tibla. D'accord? Peut-être l'a donné le cadeau ou quoi. De toute façon, l'accueil a été chaleureux d'une manière digne des saints, comme il dit pour dans Romains chapitre 16, verset 1 par rapport à Fouet. Vous voyez là, n'est-ce pas? Alors quand ils sont partis, ils ont dit lesquels, les frères étrangers qui sont passés là-bas et qui sont venus me voir, ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'église. Ils ne sont pas allés seulement à Jean pour dire cela. Ils sont mis devant l'église. L'église était réunie comme ça, comme nous, l'église est réunie maintenant. Donc, dit que frère, nous avons quelque chose à dire. Voici le compte rendu. Nous sommes passés chez le frère Gaïus à Derbe. Nous avons été bien accueillis. Ils nous ont donné de la nourriture. On a bien dormi, on a été bien logés. Les gens se réjouissaient pour montrer que si même s'il y a persécution, je fuis, je vais à l'homme, je peux me retrouver chez un frère sans que le frère ne dort avec un œil. Parce qu'il y a des frères qui volent. La nourriture entend quelqu'un peut vous entendre pangala. Je dis le pentecôtisme et le réveillisme aussi, ça crée des problèmes. Il faut que la vie de Christ entre dans nos cœurs pour que nous vivions la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer. C'est que la nature ancienne va vous attraper. Dis à ton voisin, ne fais pas comme si tu étais chrétien. Il faut être chrétien. Vous savez de quoi je suis en parler, n'est-ce pas? Il y a des gens qui naissent dans la famille chrétienne et disent, mon père est pasteur, ça ne fait pas de toi chrétien. Non, j'ai fait l'école du dimanche, ça ne fait pas de toi chrétien. Les plus dangereux sont les enfants des pasteurs. Ils doivent naître de nouveau. L'éducation religieuse n'est pas la chrétienté. L'éducation religieuse n'est pas là. Donc tu peux grandir, tu vas à l'école du dimanche, tu as des bonnes habitudes. On t'a appris les bonnes habitudes. Il faut que la vie de Christ vienne. Si ça ne vient pas, mon frère ami, donne le coup de catéchisme à l'école du dimanche, tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas. Amen. Jésus n'a pas dit que c'est notre bonne manière qui va nous faire entrer. Bien que les bonnes manières soient bonnes pour notre bon cher ici. D'accord? Il faut naître de nouveau. Alors ces frères, si on donnait ce témoignage, on dit en présence de toute l'église. Où elle, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien ce qu'il va ajouter. Regardez ce que l'apôtre Paul, enfin, l'apôtre Jean prescrit maintenant à Gaïs. Regardez. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Voilà le deuxième type de frères dont on parlait. Vous avez vu? Vous voyez, n'est-ce pas? Tu feras bien de pouvoir à leur. L'heure est mise pour les frères étrangers qui étaient de passage. C'est pas ce qu'il écrit, frère? Ok. Donc, il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Pas que... frère, tu pars où? À Douala? Ok. Tu pars... Nous sommes à Yaoundé. Garantie, c'est 3500. Finesse, c'est 2000. Quand tu... Des gares routières à ta maison, c'est combien? 200. Donc, je donne 2200. C'est-à-dire que tu payes tes 2000, tu arrives, tu payes 200, tu arrives, tu es net, net. Il dit, tu dois pouvoir de manière digne de Dieu. C'est-à-dire que si c'était Dieu qui était sur place, marchant dans la Jésus-Christ, c'est que tu feras pour lui. Fais pour les frères comme ça. D'une manière digne de Dieu. Je veux que vous saisissiez. J'insiste comme ça pour que l'évangile nous pénètre bien. Parce que je sais quel mal, j'ai les formons et les rouilles que vous avez, que nous avons dans notre intelligence. C'est pour ça que j'insiste de telles choses. Il dit, tu feras mieux de pouvoir à leur voyage d'une manière digne. Il n'a pas dit pouvoir à leur voyage. D'une manière digne de Dieu. Alors, si Jésus était ici, vous dites, Seigneur, non, il faut que tu prennes le VIP. Fais-le pour le frère là qui est pauvre, qui est censé marcher. Vous saisissez, n'est-ce pas? Vous saisissez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais maintenant, si je donne l'argent de VIP, le frère a dit que non, la climatisation va me surprendre. C'est son problème. S'il en demande dans le PEP, vous savez, vous appelez quoi là? 1000 francs d'or, Yaoundé. Quand tu peux entrer, 5 pour en fait, tu peux mourir là. S'il va entrer là-bas, c'est son problème. Mais toi, tu as pourvu de manière digne d'air. Donc, alors maintenant, la Bible déclare donc qu'on partait accompagné même au bateau. Les frères accompagnés avec les femmes, vous savez ça, n'est-ce pas? En bordure de rive, ils priaient là-bas. Est-ce que c'est ici? Donc tu peux prendre un dépôt comme ça, tu envoies le frère. Que faire l'effort de le mettre dans le, en garantie, tu restes sûr qu'il est entré dans le VIP pour voir si. Parce que le frère peut dribbler comme ça, là, après il sort, il ne peut pas prendre le VIP. Il prend le VIP, il arrive à Douala, il mange quoi. Vous savez bien les chrétiens, les mentalités chrétiennes. Là. Donc quand Dieu a prouvé, on donne 6 000, que paye le VIP. Il dit 6 000, VIP. Que si j'en pas à 2 000, on ne peut pas payer au même Douala. Il ne sait pas qu'on a pourvu de manière digne de Dieu pour qu'il entre à cette position que Dieu veut. Je veux seulement que vous saisissez l'implication. Vous faites de telles choses. Vous arrivez quelque part, Dieu fait qu'on vous donne ce niveau-là. Parce que vous n'avez pas honoré Dieu. La personne qui te donne est en train d'honorer Dieu, pas vous. Alors si tu te rappelles comme ça, Dieu te ramène à ce niveau-là. Vous saisissez mes frères? Ok, on prend une pause d'abord, on continue. Hein? Ok, donc ça c'était la parenthèse pour continuer la quatrième partie. Ça, c'était la parenthèse pour conclure la quatrième partie. Donc, si les gens sont prêts, si la cuisine est prête, prenons 5 ou 15 minutes, pas pour manger, pour que vous fassiez connaissance. Pour vous inviter les uns les autres. Si vous avez quelque chose à la maison que Dieu vous met à cœur pour quelqu'un, faites-le bien aimé. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.